ce podcast participe au Podcast Mania les 5 et 6 novembre au Geekfest Montréal. Information geekfestmtl.com. Max, parlons un petit peu. Pour je parle en direct dans le micro et je tiens à dire à Max Taillon que probablement plus personne ici ne joue à No Man's Sky. Mais en fait, je vais laisser les autres répondre pour eux. Moi, j'avais pensé à recommencer. Moi, je joue encore. Long. Tu joues encore? Non. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'épisode 82 du Geek Collectif. Mon nom est André Paquette, accompagné ce soir de Guillaume Hamel. Hello, hello, hello. Comment ça va, Guy? Ça va très bien. J'ai fini une semaine de fou au travail. Je suis content que ça soit fini. Et que là, on en commence une relax de travail parce que c'est une semaine assez remplie de podcasts cette semaine. Une semaine remplie de podcasts? Comment ça, remplie ben, de il y a podcasts? Ce soir, aujourd'hui, ben 4 octobre 2042. Okay. Le 4 octobre au soir. Le 3 octobre, le mardi 4 octobre. Non, pas 2042, même si le podcast était intemporel. Nous enregistrons donc le Geek Collectif et demain, je serai à Arcane Montréal pour la soirée du podcast pour ouvrir la saison Du Canadien. Tu diras salut à JF pour moi. Ouais, je remplace Eric qui ne pouvait pas être avec nous aussi ce soir. Ouais. Il est comme... kidnappé par son travail. Il est travail. En demande. Hein? Oh, mais son travail, il a comme enchaîné. J'ai vu ça, il m'a envoyé une photo, il commence à avoir des rougeurs autour du poignet, puis il commence à avoir du pu, puis là, il est comme pogné sur le bureau, puis il a pas la clé comme pour crocheter son travail, il peut sortir de son travail. C'est le genre d'affaire. Il met de l'eau puis du pincet. Je vais réhijacker la parole sur cette parole de sagesse. Mais en l'absence d'Eric, on a son doppelganger, beaucoup plus, une jeune version d'Eric, beaucoup plus volubile, beaucoup plus velu. Beaucoup plus Max, finalement. Max, comment ça va? Ça va super bien. Ouais, t'as un petit peu de sueur dans le front. Toi, t'es... Un, il fait chaud. Deuxièmement, premier podcast. Le stress embarque un peu. Je suis un gars stressé de nature, mais ça va bien aller. Ça, c'est sûr et certain. Ben écoute, t'as enchaîné tes premiers mots dans un micro de podcast devant une foule de 9 personnes. Et ça, sans bégayer. Ben tu vois, c'est du naturel pour toi, là. Un peu. Fait que toi, dans le fond... T'écoutais le podcast, t'es dans le groupe avec nous autres depuis un bout, t'es même chroniqueur pour nous autres, t'as écrit des textes qui ont commencé à avoir même des réactions sur le site, félicitations. Fait ben, merci beaucoup. C'est cool, la preuve que les gens lisent ce que tu écris, puis qu'on t'avait pas menti en te disant que les gens porteraient attention à tes textes. Effectivement. Donc, ben bienvenue avec nous autres ce soir. Ben merci de m'avoir invité. Ben ça fait plaisir, merci d'avoir accepté. Mais là, à ta droite, en fait ta gauche, ma droite, ta gauche, oui. Un personnage velu. Une personne qui s'est retournée cherchant quelqu'un derrière J'étais lui. T'es plus sûr. T'es plus sûr, hein, Joe? Jonathan Milter. Hey, ça va bien? Ouais, toi? Oui. Joe, je te trouve zen depuis que t'es banni de Facebook. Oui, je suis banni de Facebook. Encore 30 jours, tout va bien. Je pensais revenir puis fermer mon compte 30 jours juste pour voir comment que le monde va réagir. Mais là, t'es-tu encore banni 30 jours ou il te reste des jours de ces 30 jours? Il me reste des jours à vivre ma peine, mais je sais pas combien. Parce que l'application mobile, pour aller dans le même chemin que Guillaume, c'est de la merde. Puis ils me le disent pas, mais sur l'ordi, quand que je clique de quoi, peu importe quoi, ils vont me popper dans la face, il te reste 18 jours, 8 heures, 4 secondes. Exact, là, genre. Sauf sur l'application mobile, ils font juste te dire... Your post did not work. Puis là, t'es comme, OK. Fait que dans Hello. Le fond, l'application mobile, c'est comme un peu quand tu fais un coucher à ta femme puis qu'elle te dit, non, c'est beau, tout va bien. Exactement. Tu sauras jamais t'es que c'est pas sûr. Fait, là, tantôt, j'ai liké de quoi, là. J'étais comme, oh, on dirait que ça a marché. Puis 5 minutes après, ça m'envoie une genre de notification. Dit, Your like did not work. T'es comme, quoi, calice? Tu sais, j'étais comme, yeah, je suis débloqué. Mais non. Mais face à part, t'as vraiment l'air moins préoccupé par la vie. Je suis juste découragé de la vie, mais ça me fait du bien, je pense, de pas m'exprimer sur Facebook là-dessus. De pas perdre patience comme Guillaume, t'sais, présentement, qui accorde beaucoup trop d'importance au chat, versus le podcast et qui devrait clairement lâcher son cellulaire. Mais ouais, un peu de même. Là. Non, mais quand je check les nouvelles, là, je suis comme... Ça me tente-tu vraiment, là, tu sais, Kim Kardashian qui se fait hold-upper pour 11 millions de bijoux, tu sais, comme, pourquoi que t'as une bague de 5 millions dans ta main, puis pourquoi que tu postes ça sur Instagram, puis pourquoi que tu dis exactement où t'es sur Instagram avec ta bague, disant que ton chum il est pas là, puis que ton bodyguard il est en break. Genre, tu sais, c'est comme, ferme ta gueule, puis juste, pourquoi t'as une bague de 5 millions? Regarde, tu vois, c'est pour ça que je suis content de pas avoir Facebook. Je pense que j'aurais passé 3-4 jours là-dessus à juste dire « Hostie, qu'est conne! » Tu sais, genre, en tout cas, tu comprends pourquoi... Ta gars, haine fait japper les chiens. Puis là, t'aurais fait une vidéo, puis la vidéo t'aurais fait bannir. Regarde, tu vois encore... C'est un cercle vicieux, ton histoire. C'est un gros cercle vicieux, fait que suivez-moi sur Snapchat à la place. Ben, guys, je reprends la barre. Oui. On va en revenir à nos moutons. On a un podcast à faire ce soir. Puis on... C'est vrai, ça. On va faire qu'on fasse ça, là. Parce qu'il y a des gens qui écoutent. Puis ces précieux gens-là, ben, on va essayer de les divertir dans la prochaine heure 30. En fait, heure 25, parce que ça fait déjà 5-6 minutes. On a déjà perdu Milter, ça va super bien. On a récupéré Milter. Là, dans le fond, super facile. Max, t'as déjà écouté le show. On start tout le temps en faisant un tour de table pour parler de l'actualité des collaborateurs. Savoir qu'est-ce que le monde a fait, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, etc., etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va laisser les autres parler avant toi pour te donner une chance. Fait que comme ça, tout le monde va avoir une chance de parler, puis tout va être correct. Compte tenu que Milter semble s'être éclipsé... MIA. Missing in action, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement céder la parole à Guillaume, ben qui va pouvoir nous parler de son actualité. Ben oui, je suis même toute prête en plus. J'en doute même pas. Donc, pour une rare fois, depuis plusieurs épisodes, je ne parlerai pas de littérature slash bande dessinée. Je me suis dit, assez, c'est assez. Et, vous voyez, même la petite souris est d'accord avec moi. Je peux te couper avant que tu commences, Guillaume? Vas-y donc. La souris, puis tout. Je voulais juste dire que c'était une crasse pour pas être le premier cette fois-ci que t'allais chez OK, c'était lui. Ça. Tu t'es c'était poussé, tout t'es pensé. Revenu, c'était... J'ai tout planifié ça. Je te le dis, là. T'es comme un evil mastermind. Exactement. Moi, je pensais que j'allais faire le baptême, finalement. Je me sens chanceux un peu. Écoute, on essaie de te ménager. On veut que tu reviennes si on est dans la merde. Ou pas dans la merde non plus. Tu peux revenir tout court. C'est fait bon, que, ça. Guillaume, pas d'actualité de littérature cette semaine. Tu nous parles de quoi, là? Je parle d'un jeu de Xbox 360 et Xbox One qui est sorti vendredi dernier. Pour les ceux qui avaient précommandé les versions Ultimate. En disant ça, j'ai déjà un peu spoilé de quoi je vais parler. C'est-à-dire Forza Horizon 3, qui est un jeu de course open world sur l'exclusivité Xbox. Moi, j'avais joué aux deux à la 360. J'étais tombé sous le charme du jeu et je voyais les gens sur Twitch jouer à la version Xbox One qui était encore plus open world la 360. Pour mettre un peu dans le contexte, il y avait barré plusieurs endroits, on pouvait pas avoir libre recours sur toute la carte à cause des problèmes de performance de la console. Tu sais que c'était le DLC le plus cher de toute l'histoire des jeux de course. Pour avoir accès au restant de la map, il fallait que tu changes ta console. Exact. Mais en fait, je dirais que le DLC le plus cher de toute l'histoire, de ce que j'ai vu aujourd'hui, serait DOA 5. Il y a comme pour 1175$ de DLC. Mais ça, ce serait un sujet pour un autre épisode. Wow! Sérieux, là? 100% wow. Sérieux. Non, mais c'est nice, là. Ils ont développé autant d'affaires pour que ça. OK, fait qu'attends, un bikini jaune, un bikini rouge, un bikini bleu. Pas de bikini vert. Un monokini de haut, jaune, bleu, vert. Un monokini de bas, jaune, bleu, vert. Ça, c'est un character. Ah oh, ouais, puis il y a Jean-Claude. Fois le nombre de characters. Plus Cadis. OK. Mais pour en revenir à nos bolides. Oui. Et non nos pitounes. On parle de. Dans la version Ultimate, c'est-à-dire il y a plusieurs versions. On parle d'au-dessus de 500 voitures qui vont être disponibles durant la vie du jeu. 350 disponibles au lancement. Pour la version standard, pour ceux qui s'achètent les versions régulières. On parle d'environ 200 quelques voitures de disponibles. Donc, c'est quand même pas pire. Il y en a pour tous les goûts. Pour les amateurs de muscle car à rétro, les amateurs de super voitures modernes, les pick-up, les doom buggy, il y en a de tout. Vraiment incroyable. Puis c'est ça qui est le fun cette année. On a tous vu les bandes annonces au E3 ou même qui ont diffusé récemment. Il y a eu une grosse campagne sur Facebook de publicité. On peut aller dans l'eau, dans la forêt, il y a des stunts qui sont vraiment n'étaient pas là avant, qui poussent des jumps, là, genre fais le plus gros jump que tu peux. Il y a des du hors-route, là, puis la performance. C'est vraiment intéressant, il y a une plus grande diversité au niveau des voitures. Je dois avouer que quand j'ai commencé à jouer, j'ai été un peu déboussolé par rapport à l'interface, parce que tu sais, il y a plus de manuel dans les jeux quand tu achètes un jeu en physique. Il y en a encore moins quand le jeu est électronique. C'était-tu la première fois que tu achetais un jeu depuis genre 2004? Non, mais dans le sens que des fois, les jeux, ils ont comme un tutoriel. Puis là, okay. Le jeu, le tutoriel, c'est comme trois bonnes annonces pour t'expliquer. Mais là, après, c'est comme, OK, c'est bien le fun, je sais conduire, mais je veux modifier mon auto. Mmh. Puis là, tu es comme, ouais, mais je comprends pas. Pourquoi est-ce que je peux juste genre modifier mon bumper, mais tu te rends pas compte que faut que tu sortes du menu? Tu sais, il y a comme un... Je te dirais que la première heure ou deux, faut que comme... tu unlock le galloper, genre. Puis ouais, exact, un DLC. Non, il n'y a pas de DLC. Faut que tu jettes le DLC d'aileron. Tu unlock les problèmes de transmission. Exact. Mais non, c'est que dans le fond, c'est juste que la première, je te dirais, peut-être jusqu'à 2-3 heures au début, le temps que tu te familiarises avec l'interface, c'était un petit peu déboussolant. Mais après ça, tu reprends tes repères, ça va vraiment bien. Puis moi, je suis pas un gars qui trippe simulateur de course. Moi, là, j'aime ça, là. Prendre un virage, pour moi, c'est je rentre à 200 km/h. Je vais faire un drift dans le mur. Là, le mur, il me change de direction, puis je repars en ligne droite. Fait que toi, t'étais vraiment bon à Automodelista au PS2 dans le temps, et tu es le type qu'on appelle un pinball racer. Genre, je sais pas c'est quoi... Bing, bing, bing. Mais c'est parce que tu fais comme une boule de pinball, tu rentres à pleine pin dans le mur, tu rechanges de direction, tu calcules tes repars, angles, puis... parce que tu sais que le char pètera pas. Je suis très casse-cou dans le jeu, et... tu sais, si je veux me tourner, puis le gars, il est là, mais encore lisse, j'y rentre dedans. Puis tu sais, dans mes settings, ce qui est le fun avec Forza, c'est justement, ils se prennent pas trop au sérieux. Puis moi, les settings de dommages, c'est visuel. Mais le char continue à rouler à 350 km/h, même si j'ai plus de... Need for Speed style, dans le fond. Exact. Puis en fait, j'ai eu mon baptême avec Need for Speed en 96 au PC, là, justement, au jeu de course. Puis c'était pas justement trop sérieux. Tu sais, j'ai essayé des fois des simulateurs de Formule 1, puis écoute... je finissais même pas une course, puis j'ai juste le goût de rage quit, là. Puis j'étais solo. Ouais, c'est... mais c'est plate, Formule 1. Ouais, en effet, mais tu sais, ça peut être du NASCAR, puis tout. Dès ouais, que c'est NASCAR, c'est des turn left simulator. Mais donc, c'est ça. C'est que si vous aimez... puis la musique, c'est ça que je voulais dire. Les licences de musique, tu sais, ça marche avec des labels, en fait. Ouais. Vagrant Records, puis Epitaph, qui sont là. La musique, moi, je trippe bien raide. C'est le fun d'avoir justement de la musique. Comme dans le temps quand je jouais à NHL 2001, là, des bonnes licences. Scatman John. Ou à Tony Hawk dans le temps. Il y a des trucs plus, il y a même une chaîne de musique classique, là. Tu sais, il y en a pour tous les goûts, là. Mais c'est comme dans GTA quand tu te mets à gonner tout le monde en écoutant du Backstreet Boys, genre. C'est un peu, ouais. Là, tu gonnes personne. Mais c'est tout à elle, j'écoute le pays. Honnêtement, si vous pouvez jouer, si vous avez une Xbox One, je vous la conseille fortement, même si vous n'êtes pas un super fan de Spider-Man. Ou un Forza, c'est quoi? Forza Horizon 3. Ou un ordi Windows 10, je pense. Oui, mais c'est ça, faut faire attention, par contre. C'est ça, je voulais dire. Le fameux Play Anywhere fonctionne juste si tu achètes le jeu sur une boutique électronique, exemple Microsoft Store. Si tu vas au EB Games, Best Buy ou autre boutique de jeux genre Microplay, classique, Microplay, puis tu l'achètes physique, ben comme on dit en bon français, you're shit out of luck, tu peux pas. C'est que tu download sur le Microsoft Store ou Xbox Store ou peu importe, et là ils vont t'installer les fichiers nécessaires pour jouer. Moi à date, j'ai pas essayé, j'ai une bonne machine mais je l'ai pas essayé sur PC, tout simplement parce que je m'écrase sur mon divan juste pour ça. Puis il est vraiment beau honnêtement sur le le Xbox One, puis il est supposément locké à 30 frames par seconde, mais ça m'impacte pas. T'as-tu, toi, comment dire ça, le message de Microsoft? T'es-tu Xbox Live Gold? Oui. Moi, j'ai reçu un message de Microsoft, même si j'ai même pas joué à Forza. Ils m'ont envoyé, ils disent, vu que t'es un fan loyal de Xbox Gold, genre, peut-être parce que ça fait 11 ans là, que je suis abonné, mais ils m'ont envoyé un code Nowhere pour dire, t'as le vaisseau des le Warthog, je l'ai, le Warthog. Tu l'as eu, c'est ouais. Ça. Puis là, tantôt, en m'en venant en charge, j'ai reçu un autre message d'eux autres. Je me suis dit, puis c'est quoi j'ai eu, là? Ils m'ont envoyé ils m'ont donné, à cause que j'étais un membre loyal, une expansion gratuite de Gears of War 4. Mais je m'en calisse, là, de ce jeu-là, moi. Fait que là, je suis en train de me demander si je vais la donner, vendre à quelqu'un, ou faire tirer, ou si je vais la faire, puis je vais juste la... unlocké dans ma librairie Xbox, comme je fais avec tous les autres codes de jeux que je joue pas, puis que je me dis, hey, un moment donné, peut-être je vais jouer à Gears of War 4, puis je me rendrai même pas compte que j'ai l'expansion gratis, puis je vais jouer avec, puis ça va être cool. Fait qu'en terminant, Guillaume, excuse-moi, Forza, on l'achète, on se le procure? Oui, honnêtement, si vous voulez avoir, puis du bon temps, vous savez comment en ce moment, je course contre Milter, puis Eric. En fait, je course contre leur avatar. Notre ghost. C'est que des fois, je hey, t'es, boum, je te crisse dehors de la rue, mais tu sais, c'est... c'est pas moi. Toutes mes frustrations que j'ai au podcast, je les sors dans mon jeu. Non, non, mais blague à part, je vous mais le démo, tu peux jouer un démo, je pense. Il y en a eu un, je sais pas s'il est encore disponible. Au PC, il allait sortir un genre de démo après la sortie du jeu. Mais je vous le suggère fortement. Puis c'est justement, si vous n'êtes pas un fan, on attend que le jeu baisse, mais c'est du plaisir, honnêtement, honnête. C'est pas, ça se prend, il n'y a pas de prétention à être comme le futur du jeu vidéo. Il y a comme, c'est pas une affaire artistique, là. Non, c'est adrénaline dans le tapis, puis c'est cool. Cool. Le pire, c'est que je vais sûrement le louer pour passer du temps avec. Ouais, ouais. Parce que je fais ça à cette heure, il y a des jeux que, pour des raisons financières et des raisons de doute, ben je vais les louer puis je vais passer un peu de temps avec. J'ai un peu un tie-in à faire avec ça parce que j'ai du gaming là-dedans, mais j'ai beaucoup de nostalgie. Dans ces derniers temps, j'ai regardé, il y avait eu une flash sale sur le PSN Store. Puis je me suis procuré deux choses qui étaient en vente. Le premier, c'est Dave the Tentacle Remastered parce qu'il était 5$ puis je pouvais pas acheter. Dernièrement? Ouais, ça fait genre là, une semaine et demie ou deux semaines. Ok, je pense que je l'ai vu. Ouais. Fait que j'ai acheté ça, 5,99$, ça valait la peine. Et j'ai acheté un jeu que ça faisait longtemps que je regardais puis j'arrivais pas à justifier ma dépense parce qu'il était cher. Digimon Cyber Sleuth, S-L-E-U-T-H. Il était 25 ans. On n'a pas confondu avec S-L-U-T. Oui, c'est pas Digimon Cyber Sleuth, qui est un tout autre jeu, mais Cyber Sleuth, qui était 25$ au lieu de 64$. Ouais, ça j'ai vu, mais ça... Il fait du crossplay, donc tu peux te déguiser en Digimon pour aller travailler, puis perdre ta... Non, crossplay, c'est fou, c'est pas du cosplay. Tu peux l'avoir avec le... Je pense que c'est la Vita. Crossplay, c'est quand que tu fais un... t'es une femme puis tu fais un gars ou un gars qui fait une femme cosplay. Ou que ta save game de PS4 est fonctionnelle si t'as la version PS Vita aussi. Oui. Donc moi c'est plus mais dans cette optique là. Mais faut t'ajoutes la version PS Vita aussi. Ouais. Tu peux pas, c'est pas crossplay dans le c'est sens. C'est pas comme un Xbox Play Anywhere. C'est cross-buy l'autre qui dit. Oui, c'est exactement. Ça, ouais, t'as cross-buy puis t'as crossplay. Je pensais que c'était cross-buy, tu voulais dire. Excuse. J'achète Digimon Cyber Sleuth. Puis, je commence à jouer à ça. Puis, là, je vais faire un autre coming out. Moi, quand j'étais jeune, ben, j'avais le choix d'aimer Pokémon ou Digimon. Puis, j'ai toujours plus aimé Digimon. Oh, c'est... Unfriend. Non, man. C'est-tu quoi, dans le film, il y avait du Les and Jake qui jouait. Puis, il y avait des robots. T'avais des robots. Puis, l'histoire, tu sais, puis les évolutions sont tellement robots. Plus hautes que dans Pokémon. Où Ash, ça fait... Ça fait combien de temps là, que ça existe Pokémon puis que Ash Ketchum il perd à chaque fucking saison de l'anime? Je sais pas, mais il s'en va à l'école là, fait que ça va sûrement aider bien des choses. Spoiler alert, il perd pareil. Il savait pas lire, Chris pauvre jeune, arrête de bâcher dessus. Fait qu'en tout cas, fait que Digimon Cyber Sleuth a réveillé l'aspect completionniste en moi. Où check ça, OK? Chaque Digimon ont des niveaux d'évolution. Donc tu peux les faire digivoluer. J'ai déjà vu ça. T'as les baby level, junior rookie level, champion level, ultimate, puis t'as les autres fusion evolution, puis les affaires la même. Comme au AEW. Exactement, tu sais, parce que l'ours AEW, lui c'est un Burger, champion le level. Le grand-papa, pis... c'est... Ok, oui, dans cette optique-là, oui, ça a plus de sens. Okay. Les baby burgers, les baby... Mais en réalité, qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que l'évolution n'est pas one-way. T'es pas obligé de faire, bon, ben là, je vais attendre, puis je vais le rendre au max level, puis l'évoluer, je pourrais pas... Tu peux revenir en arrière, tu peux dédigivoluer tes Digimon. Fait que dans le fond, si tu le sais... Terminologie. Fait que toi et moi, on peut jouer ensemble, mettons, ben pas ensemble, parce qu'il y a du multiplayer, mais c'est du battle en ligne. Ouais. Sauf qu'on pourrait jouer, puis mettons, les deux, on a le même. Tu sais, comme mettons, on a chacun un Greymon, qui est une évolution d'un Agumon. Oui, je sais de quoi je parle. Fait que ton Greymon pourrait être fucking plus fort que moi, parce que tu pourrais l'avoir évolué, max level, tu le désévolues, tu remontes le level, parce que le level cap, à chaque fois que tu dédigivolues un Digimon, il augmente plus haut. Fait que tu sais, c'est comme là, mettons, j'avais un baby level, que d'habitude, les baby levels, ça va jusqu'à level 6, level 8, ben là, mon baby, il peut se rendre jusqu'à level 42, je pense environ. Fait que quand il va être rendu au champion level, je vais avoir perdu ma vie trois fois pour avoir un Greymon fort de même, mais je vais pouvoir crisser une volée à quelqu'un en ligne, parce que la seule fois que je suis allé en ligne... Tu t'es fait crisser une volée. Calvaire! Ben, une dégelée monumentale. Ça ressemble à moi quand je jouais à Hearthstone. C'est-tu un des fameux jeux que les Asiatiques ont eu à peu près 2, 3, 4 mois avant nous autres? Oui, sauf que quand tu joues, par contre, il y a un système de localisation. Fait que j'ai joué contre un gars des States. Fait que tu joues contre un Asiatique qui est déménagé aux États-Unis. C'est ça. Fait que j'ai joué contre un immigrant fraîchement arrivé aux États-Unis parce que... Il a acheté Trump, le jeu puis il est parti. Mais en réalité, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant avec ça, c'est que il y a une histoire qui est quand même cool dans le jeu. Puis mon actualité, c'est pas nécessairement juste Digimon Cyber Sword. C'est que là, j'ai vu ça, puis j'ai fait comme... Hey, dans le temps, il y avait des cartoons de Digimon, puis il était quand même potable pour l'âge que j'avais. Puis, ils ont fait un peu un genre de fan service pour les gens qui ont grandi avec Digimon. Oh. C'est que... Comment je peux faire un parallèle? Le genre de fan service... Non, pas ce genre de fan service. Non, OK. En réalité, c'est que, tu sais, mettons, Pokémon, quand j'étais jeune, Pokémon ressemblait à quelque chose, puis maintenant, si je le réécoute là... Ben, ça va ressembler sensiblement à la même affaire, tu sais, un petit jeune plein d'espoir qui essaie de telle affaire, puis là, il veut devenir le meilleur, puis il se fait tout le temps Christine voler, puis il perd, OK? C'est ça que tu vois. Fait qu'en réalité, t'as ça dans Pokémon. Dans Digimon, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'ils ont fait une nouvelle version qui s'appelle Digimon Try. Que Try? C'est Try, T-R-I. Ah, OK. Donc, okay. Digimon Tri, comme Tri Express et la Palourde Royale. Fait que, dans le fond... T'as été chercher la palude royale, toi. Certainement. Je comprends, moi. Ouais. Fait que, tu vois, je l'ai positionné. Ouais. En réalité, là, ce qui est cool, c'est que ils ont pris l'histoire du cartoon de Digimon qu'on avait quand on était kid, ou adolescent, là, ça, c'est selon, là, tout dépendant de l'âge qu'on a. Hein, et ils l'ont rendu pornographique. En fait, c'est une évolution. Overwatch, okay. Parce que qu'est-ce qui est cool, c'est que dans le temps, le cartoon original de Digimon, ben, pour remettre le monde en question, c'est... des kids que pendant leur première journée où ils sont supposés aller au camp d'été, ben ils se font envoyer dans le monde digital, puis ils se font pogner dans une quête où ils apprennent qu'ils sont les Digidestined, qui sont là pour avoir un partner Digimon, puis sauver le monde digital. Fait que tu sais, t'as ça qui évolue sur 2-3 saisons. Après ça, t'as eu la version 2, version 3, Digimon X-Cross, whatever. Mais Digimon Tri, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est à la fin du secondaire, les mêmes kids... qui avaient fini leur vie puis qui n'avaient plus aucun lien avec les Digimon, le lien entre le monde digital puis le monde réel était coupé, ben là, du jour au lendemain, les Digimon, ils reviennent. Puis là, eux autres, qui avaient commencé à reprendre une vie normale, qui sont adolescents, ils s'en vont, tu sais, après ça, c'est le cégep, puis l'université, puis etc. Y a-tu du cégep au Japon? Je sais pas. Je souhaite que non. C'est très flou, puis j'écoute un fan sub, fait que c'est comme pas très clair des fois, là. Mais c'est super cool parce que tu sais, t'en as carrément où, là, ça vient de prendre une notion un peu plus adulte où, tu sais, t'en as dans la gang, c'est comme, hey, fuck, les Digimon sont là, il y a encore une fois, il faut qu'on sauve le monde, puis on n'a pas le choix, c'est à nous autres que ça revient. Puis t'en as qui font, hey, moi, je veux plus faire ça. C'est comme dans Expendables, en fait. Tu sais, c'est plus à moi de sauver le monde, c'est plus à moi de... J'étais cœuré. J'étais cœuré, tu sais, puis là, il y a son partner qui est là, qui revient, puis c'est Digimon, puis quand, hey, viens m'aider, on n'a pas le choix, puis... Tu sais, je t'aime bien, là, c'est cool, là, mais ça fait 7 ans qu'on s'est pas vu, motherfucker. Fait que, assieds-toi dans le coin. T'avais juste à penser à moi quand t'étais en bas, tu sais, comme t'es nerf. Fait que, tu sais, ça a une bonne dimension, c'est quand même cool. Ils sont tous sur Crunchyroll présentement. Fait que, vous pouvez aller les écouter avec des pubs gratuitement, si ça vous intéresse. Ou prendre un trial. Non, ben, vous pouvez prendre un trial, des trials de 7 jours, 14 jours. Ou puis, tu changes d'email, puis tu repars un autre trial. Ben, ouais. Ou sinon, personne ben, ça, c'est tellement dispendieux, c'est 6,95 puis 30 jours. Fait que, US canadien? Je sais même pas, je pense que c'est canadien. Mais la crosse. C'est canadien, c'est cool. Sérieux, quand j'ai dit la crosse, par exemple, c'est qu'ils demandent ton numéro de carte de crédit pour. Ouais, faut que tu fasses ton abonnement. Mais quand Crunchyroll coûte moins cher que Spotify, moi, je trouve que c'est un bon deal. Là. Ben, tu sais, en réalité, qu'est-ce qui est cool en plus, c'est que des sites de streaming de même, quand vous trouvez de quoi que vous aimez, vous êtes pas obligé de les prendre pour l'année. Là. RIP Show Me en passant. Ouais, Show Me, une perte de 100, entre 100 et 140 millions pour Rogers puis Shaw. Pas sûr. Ça va représenter. Puis c'est pas des pertes de revenus anticipés, c'est des pertes de CAPEX. Fait que c'est vraiment du coût de développement qu'ils vont absorber. Mauvais marketing d'après moi. Non, c'est juste qu'ils ont acheté des séries trop chères pour les exclusivités. Ben aussi. Ben, y a pas juste ça aussi, c'est que les habitudes de télédiffusion puis de streaming changent beaucoup. Fait que tu sais, ce qui a sauvé Netflix présentement, c'est qu'il y a un catalogue qui diminue de 50%. Sauf que, ben, le contenu exclusif de Netflix, justifie. Ils ont Jessica Jones. Non, comment tu veux pas là. Être abonné quand ils ont Jessica Jones? Petite parenthèse, là. J'ai connu des gens qui travaillent chez Netflix. Big shot. De mon ancienne vie, quand je travaillais chez TELUS. Ça fait combien de temps, là, ça? Ah, 4 ans. Dans le temps que Netflix t'envoyait des VHS par la poste. Non. Quand il était full online, inquiète-toi pas. Ils ont du data, là. Écoute, ils ont tant de data sur tes habitudes de visionnement que Google peut en avoir sur ta vie en général. Ouais. C'est que s'ils décident d'enlever 50% de leur catalogue. C'est parce qu'ils savent qu'il y en avait juste genre 4 losers qui les écoutaient dans le sous-sol, puis c'est tout. Puis la majeure, c'était sarcastique. Mais t'as pas juste ça, Guillaume. Mais que la grande majorité du potentiel commercial était genre, c'est comme le fameux règlement du 80-20, là, 80% de tes revenus ou par 20% de ton catalogue. C'est sûr, laisse-moi te corriger là-dessus, c'est pas nécessairement ça non plus, c'est aussi le fait que les plateformes studio veulent retirer leur contenu. Il y en a que oui, mais c'est ce qui est, ben, on s'entend là. C'est si parce Netflix arrive puis dit, voilà une valise pleine de cash puis garde, laisse-moi ton film, les studios vont sûrement dire ok. Moi, ben, mais les compagnies veulent l'exclusivité, genre ça. Comme les HBO, exemple, Silicon Valley est pas sur Netflix. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que tu t'abonnes à HBO, Movie Exactement. Network, puis que Belle, c'est pour ça que je t'ai abonné. C'est à cause de Belle, ça. Moi, je m'en crie de Belle. Mais moi, j'étais avec Vidéotron, faut que je le prenne à part pareil. En réalité, peu importe partout dans le monde, tu sais, puis c'est pour ça que je dis, tu sais, peut-être que là, 4 ans, c'était la réalité, mais ce qui arrive présentement, CBS font leur plateforme payante en ligne, fait qu'ils veulent pas leur contenu ailleurs. HBO font leur plateforme payante en ligne, ils veulent pas le contenu ailleurs. Paramount avait déjà fait leur plateforme payante en ligne. Disney, fait que tu sais, le contenu commence à se diversifier, puis tout le monde veut aller en ligne, offrir leur contenu. Tu sais, même j'ai vu des études récemment qui comparent un cord shaver en fin 2016 versus début 2016. C'était super intéressant au début aux États-Unis, le cord shaving, parce que les gens ils disaient, ben, ma bande passante Internet est accessible, puis après ça, ben, j'ai plein de plateformes gratuites. Ce qui arrive, par contre, maintenant, c'est que, bon, ben, tu veux HBO Go, c'est 15$, tu veux Netflix parce que Luke Cage est là, puis tu veux l'écouter en 4K, c'est un autre 15$, tu veux rajouter Hulu pour pouvoir écouter tes affaires, c'est un 9$ par mois. Là, après ça, tu veux rajouter, ben, justement, CBS pour écouter, mettons, Big Bang Theory ou peu importe. Star Trek. Ou Star ben, Trek. Moi, c'est là le problème. Il y en a qui va falloir qu'il va falloir qu'ils se rendent compte que c'est pas tout le monde qui vaut 10$. En quelque part, là, moi, je vois tous les abonnements, c'est tout, ah, 10$, Netflix, 10$, nanana, 10$. Un moment donné, 10$. Ben, c'est ça, mais un moment donné, je vais pas payer tout, là. Ouais, mais tout ça part, tu sais, Joe, tout ça part à cause que le monde était fâché parce qu'il y avait des chaînes d'inclus dans leur poste de télé. Je le sais, mais c'est ça, je veux dire. La maudite télé généraliste qui est inclus. Si, en faisant ça, après, ils pensent que ça va régler le problème de tout se mettre à 10$, là. Il va falloir que les Tout Point TV puis les CBC, ils se rendent compte, CBS, je veux dire, ils se rendent compte qu'eux autres, ils auront pas plus que 2$ de moins, là. Exemple, je dis ça de ben même. Exactement. Là, mais... Donc, Digimon Tree, qui est disponible sur Crunchyroll. Qu'il faut payer combien facile. Par mois? Ben, tu peux payer 6,95 ou tu payes un trial, tu écoutes tout back à back. Parce que là, où la seule. Non, le trial, je comprends. C'est que j'ai beaucoup de respect pour ceux qui vont faire l'animation parce que ils prennent leur temps. Ils release ça, je pense, c'est à coup de 3 ou 4 épisodes. De 20 minutes. En réalité, ça peut être des films qui vont être entrecoupés. Puis là, le prochain va sortir en février 2017. Ça veut dire que moi, quand j'avais entendu parler de Digimon Tri, c'était au début de l'année. Fait que fuck ton trial. Puis, ben, le trial, présentement, tu peux le prendre, mais c'est juste que tu vas te rendre à un point de vue où l'histoire, elle arrête. Puis là, ben, il faut que j'attende jusqu'en février 2017 pour voir la suite. Parce que il était craintif en ayant relâché cette animation-là parce qu'il savait pas si c'était pour pogner. Finalement, ça pogne pas à tout casser parce que les Digimon, c'est pas mal mort. Là, c'est marginal. T'sais, c'est très marginal versus le succès commercial de Pokémon. Ouais, mais il n'y a pas de Digimon Go, fait que ça l'aide pas. Est-ce que tu dirais que Digimon, c'est comme le Sonic de Mario versus Pokémon? Peut-être. Ben, je sais pas. Regarde, écoute, peut-être, mais je pense, tu sais... Ben, c'est le second hand juste à cause du succès commercial, pas à cause de la qualité qui est moins bonne nécessairement du produit en tant que tel. Digimon pis Pokémon, c'est comme le même débat que Star Trek pis Star Wars. VHS Beta. J'aime bien ces comparaisons. Tu sais, VHS Beta. Il y en a un qui a perdu, mais il est meilleur quand même. Ben, je pense peut-être pas... Peut-être pour certains, comme toi... Tu trouves que Digimon est meilleur, mais ça a perdu pareil. Ben, ça a perdu. Ben, en fait, ça a perdu. Tout ça à cause du porn. Ça a pas perdu, c'est juste que c'est moins. Ça a moins pogné, ça a été moins disponible. Mais, fait que ça a perdu. Mais non! Parce qu'ils en font encore. J'en ai acheté encore. Oh, tandis que du bêta, ben, c'est mort. Tu sais, ce que j'ai aimé de Digimon versus Pokémon à chaque fois, c'est que. Ben, tu sais, il y a une histoire qui est là, il y a un univers qui est un peu plus attrayant pour moi aussi, tu sais, c'est un peu plus adulte, c'est moins kiddie. Ouais. Tu sais, c'est comme je regarde le prochain jeu qui va sortir de Pokémon, là, Sun and Moon, là, pis là, hey, le nouveau Pokémon, il y a des fleurs hawaïennes, pis là, tu peux y faire surfer, pis faire une cabane. Enfin, c'est la même affaire, mais avec un nouvel habillement. Ben oui, pis... Il n'y a pas d'évolution. Pis je comprends que le monde aime ça, pis je comprends que le monde se soit pitché sur Pokémon Go, j'ai joué moi avec, on est allé, là, mais... Il y a toujours de quoi qui m'a attiré de Digimon. Puis, je suis en train de parler là, puis dans le monde sur Facebook qui nous écoute, il y a peut-être du monde qui ne trippe pas là-dessus, mais il y a peut-être du monde qui vont écouter le podcast et qui vont quitté. Faire comme « Hey, fuck, ça me rappelle de quoi ?» Allez donner une chance, allez l'écouter, puis Cyber Slurt, s'il est disponible dans votre club vidéo, louez-le. Sinon, ben attendez qu'il y ait un autre flash sale, payez pas 70$ pour ça. Mais à 26-30$, c'est un bon JRPG qui est drôle, qui se prend pas trop sérieux, puis c'est juste le fun. T'sais, moi, j'ai trippé avec ce jeu-là, puis je joue encore, puis t'sais, je l'ai pas fini, je suis rendu au chapitre 7. Ça me fait penser à la série Persona. C'est un peu weird, mais il y a du bon stock qui se passe. La Persona, c'est reconnu comme étant comme une espèce de réussite à tous les niveaux, là. Ben, c'est reconnu pour ça. OK, garde, je vais me paraphraser, là. À tous les niveaux. Ne vous attendez pas à ce que ça soit un clone de Persona, là. Mais la vibe me fait penser à ça, tu sais, des jokes un peu weird. Mais c'est cool, pareil. L'univers fucké, puis ben, c'est plus actuel aussi, dans le sens pas du médiéval, tu sais, c'est... Ben c'est ça. Puis des Digimon, il y en a de tous les types. C'est cool, tu sais, t'as des Digimon virus, t'en as que c'est des vaccins, t'en as qui sont neutres. Puis là-dedans, en plus, tu rajoutes les classes feu, terre, eau, vent. Classique. Fait que, tu sais, t'as plusieurs combinaisons où lui va être faible contre lui. Mais là, en faisant des évolutions, en plus, t'en as qui évoluent simple, t'en as qui évoluent à deux Digimon qui en forment un autre. Fait qu'il y a du contenu là à côté là-dedans, là. C'est-tu un peu le même principe que Pokémon, dans le sens que tu bouges Random Battle dans... Ben là, c'est de l'herbe haute que t'as dans Pokémon, mais dans lui, c'est que tu bouges, t'as un Random Battle, puis t'as un face-à-face avec un Digimon random qui est wild, puis... Wild Digimon appear. Tu captures ton Digimon. T'as ça, tu les captures pas, c'est ça qui est cool. T'es beau à mort. Tu les analyses, parce que dans cette version de Digimon, qu'est-ce qui arrive, c'est que... t'as des hackers, t'as un système de réalité virtuelle. Fait que c'est comme un mix un peu entre Sword Art Online pis Digimon, où quand tu parles de digitalisation, les humains vont dans le monde digital. Fait que c'est la réalité virtuelle. Mais là, il y a des programmes rogues qui commencent à apparaître, pis les hackers, ils capturent ces programmes-là pis ils les font travailler pour eux autres. Fait que tu analyses les Digimon, t'y retrouves. Mais pour répondre à ta question, Max, effectivement, tu te promènes, pis là, maintenant, il y a un random battle qui apparaît. Sauf qu'à chaque random battle, ça te scanne 20% d'un Pokémon. Fait que si tu veux le matérialiser après puis l'amadouer dans ton équipe, faut que tu battes une couple de fois contre lui. Ou sinon, ben des fois, tu sais, ils vont développer plus vite. Tu sais, puis t'as ton starter Digimon qui est là. Fait que ça fait assez longtemps que je radote avec ça. Fait que moi, ben c'était ça. Jouer à Digimon Cyber Sleuth, écouter Digimon Tribe. Moi, quand tu m'as dit de le regarder, je suis allé voir une vidéo puis ça doit être cool. Sans doute, c'est pour un JRPG vraiment, vraiment style, là. Puis ça, j'étais comme, même si je connais pas tant que ça, quand j'étais plus Pokémon, justement, là. T'aimerais ça, puis je suis sûr qu'on aurait du fun à faire des battles ensemble. Mais j'étais un peu déçu que c'est pas cross-buy, par exemple. Ouais, ça, parce que quand tu m'as dit ça, j'étais comme, oh shit, les deux, je l'aurais sur PS Vita, puis... Ouais. Puis il est genre 25 sur PS4, mais il est-tu en spécial aussi sur PS Vita? Je l'ai pas vu en spécial sur PS. C'est ça, fait que si tu arrives puis il est 80 PS Vita après. Je check plus même PS Vita parce que j'ai pas de memory card puis j'ai juste 1 gig. T'attends pas d'acheter une memory card. J'ai essayé de m'acheter, mais son... Tu peux pas jouer à grand chose. Non, effectivement. C'est le problème. C'est ça qui a un peu tué la console. Fait que là, qui veut enchaîner. Je peux y aller, à moins que Max, on le garde-tu pour la fin? Ben, je sais pas, Max, c'est tu veux garder pour la fin, tu veux y aller? Ben, dans le fond, vas-y. Okay. Robin, t'es peut-être plus à l'aise, finalement. Peut-être. Moi, je vais sortir mes grosses notes. Il est prêt. En fin de semaine passée, je suis allé dans une affaire qui s'appelait Le Weg, avec Eric. Pour de vrai, je pense que c'est pour ça qu'il est encore absent. Il s'en remet pas encore. Il y avait plein de monde. On est allé se faire du fun là-bas. C'est un chalet dans le nord. Je sais pas si je peux dévoiler la place. Moi, je te dirais conserve un peu de mystère. Mais je vais le dire, c'est dans le coin de Mont-Tremblant. Parfait. Je vais juste dire ça. Je vous dirai pas exactement où, pour pas que vous les louez à notre place, tu sais, ou quoi de même. Ben, j'étais allé là avec Eric. C'était organisé par Bruno Georget de Rétro Nouveau, que des gens qui connaissent. Eric Lafontaine du dernier des podcasts et des Geekers. Il y avait plein de monde là-dedans. Là. La crème de la crème. La crème de la crème. Il y a JF Kromp, ceux qui connaissent pour la soirée du podcast, c'est Rétro Nouveau. Baroque Larouche ou Barouche, comme on aimait l'appeler en fin de semaine. J'aime l'évolution de son surnom au fil des années. Là. Puis c'est ça, là, toute la gang, Illy puis Martin d'Arcane Montréal, les proprios avec Dom, en fond, le, c'est ça, Papa le, Cassette. La gang au complet d'Arcane Montréal était là. Ouais, ouais, Carl qu'on a vu, des Game Chasers avec Zeph et plein de monde là. On était une bonne gang, on s'est fait du fun. C'est ça l'important, dans le fond. Une chance que j'avais mon Snapchat pour m'aider à me souvenir de quel j'ai fait la veille et de quel jeu que j'ai joué. Mais je me souviens, par exemple, que parce que t'en as trop joué. Oui, oui, parce que je l'ai tellement joué de jeu que je savais pas à quoi j'avais joué. Puis là, j'ai juste avant d'aller là-bas, on est arrêté toute la gang, ou presque une partie de la gang, au Game X de Saint-Jérôme. Okay. Et c'est un magasin genre de rétro gaming. Je me sentais plus ou moins à l'aise là-dedans, vu que j'ai comme tout plus de rétro gaming chez nous. Tu sais, je checkais les affaires, puis j'étais comme, oh, j'avais ça avant, puis je l'ai plus. Mais là, j'ai trouvé, dans tout son rétro gaming, il y avait 3 jeux de PS Vita. Oh! Et vu que je suis plugué, parce que ça a l'air que je suis dans la gang de Arcane Montréal, j'ai eu un deal par, je pense que c'est Danny, de Saint-Jérôme GameX. Qui écoute le podcast et qui réalise que t'es pas dans la gang. De... Régulièrement. C'est trouvé le podcast. Je suis pas dans la gang, Danny. On est bien amis avec lui. Non, il est super smart. On était comme 20 là, dans son magasin, puis tu sais, on s'entend, c'est pas super gros. Puis tout le monde, comme, je prends ça. Fait qu'il était comme... le gars, il a fait son loyer. Non, pour non, mais moi, pour de vrai, Danny était cool. Puis Eric a acheté comme 8 jeux. C'est Eric qui m'a payé 8, dans le fond. C'est arrangé pour le gaz après. Mais, tu sais, c'est genre de... En tout cas, il m'a fait ça. Ouais. C'est un jeu-là, je vous le montre. Ça fait que c'est All-Star, c'est pas le Super Smash de Sony, ça? Oui. PlayStation All-Star Battle Royale, comme André le nomme, le AKA Smash Bros. De Sony. Je l'ai acheté parce que j'aime ça, un petit jeu con. J'aime bien Smash Bros, puis c'est le genre de petit jeu que j'aime d'or quand je vais prendre Life Ray ou que je joue avec mon PS Vita en même temps. Pis c'est le seul jeu que tu peux faire des combats genre Kratos versus Sackboy. Ou Parappa the Rapper. Parappa the Rapper, il y a Ratchet, il y a Nathan Drake, il y a Sly Cooper, Fat Princess. Le Big Daddy dans Bioshock. C'est ça, j'allais dire ça, je l'ai pas compris, mais gars. Yeah. It's all about the money. Et c'est ça, c'est ça, on s'entend-tu que dans le roster, il t'a rendu à la fin, ils ont fait comme bon, il nous reste un petit 20 000. Là. Qui qu'on plug. Et le plus important, Sackboy. Sackboy, c'est qui? Qui est le gars de Little Big Planet. Oh, c'est ça, Big Planet. La mascotte de Sony pendant un bout avant qu'il sorte le 3 puis qu'il chie partout dans la panne. Mais c'était quand même... Non, mais c'est vrai, il est super bon le jeu, mais il vend 8$ à Star. Là. C'est comme la mascotte a pris le ball, là, c'est rendu Nathan Drake, mais c'est même pas Sony exactement, puis c'est un humain, puis la série est finie. Fait que qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais pas, regarde, Sony n'a pas de mascotte. En tout cas, tout ça pour dire qu'excellent jeu. Ben, excellent jeu. Ils ont Greg Miller comme mascotte. Pas pire jeu. Le fun, easy, de même que j'ai pogné avec la gang du WEG, c'était le fun. Par exemple, au WEG, j'ai joué un jeu. Oui. Sur la PS4 de Bruno Georget. Fait que c'est comme... Tu t'en rappelles de ce jeu-là? Oui, je m'en rappelle. À cause de Snapchat. Non, j'ai checké mes Snapchat puis j'ai trouvé cool. Mais non, j'ai eu l'honneur de jouer sur la PS4 du grand Bruno Georget. Tu sais, c'est pas n'importe qui, là. J'ai touché à sa manette. Hey, ce gars-là, il a fait un article sur la Wii U dans la presse. Oui. Je voulais faire signer mon téléphone au chalet parce que j'avais l'article en print screen puis j'ai dit signe dessus, tu sais. Puis il voulait pas, il était non, Milton, Chris, arrête avec tes astines niaiseries. Puis j'étais ah ouais. Non, c'est pas vrai. J'ai blasté Jonathan Pechot, par exemple. Mais en tout cas, ça n'a pas rapport. J'ai joué. Tu te souvenais-tu, excuse-moi, juste à parité, là, parce que l'épisode 81 est sorti. Oui, oui, je le sais. Tu t'en souvenais que t'avais fait les mêmes jokes dans le podcast? Ça fait un mois que je parle de cet astille-là, puis de l'intimidation qu'il fait aux infirmières de ce Québec. Puis en tout cas, je veux pas repartir là-dessus. Mais, gars. Écoutez l'épisode 81. Check tes tunes, ben chaud, arrête d'intimider le monde. C'est pas cool. Mais, tout ça pour dire que j'ai joué un jeu écœurant, hein, c'est Axiom Verge. Mais j'ai joué juste un peu, parce que je voulais pas jouer trop, parce que quand j'ai vu que c'était écœurant à ce point, j'ai dit fuck off, je vais l'acheter. Oh. Et je vais jouer plus. Ça, c'est quand même le Metroidvania, hein. Exactement, c'est carrément un Metroid. Puis il paraît que je pense que c'est un gars qui l'a fait tout seul. Si je me trompe pas. Je m'ai même pas informé, là. Le gars, il a tout fait tout seul. Puis sérieusement, c'est malade. Puis présentement, il est genre 18$. Non, mais attends de voir son deuxième jeu à ce gars-là. Ça s'appelle Star Citizen. Il est-tu sorti? Non, je n'y ai pas. Ok, non, non, non. Fuck. Il contrôle une équipe de 1200 gars. T'aurais pu faire patiner Star... avec ça. Là. Non, non, mais en tout cas, c'est, par c'est contre, juste... Par l'attend, ça. C'est carrément un Metroid. Non, mais Axiom Verge a été reconnu comme étant... l'année qui est sortie, c'est fin 2014, début 2015, là. Tout le monde ne parlait que de ce jeu-là. Ah, gars, mais il vient de sortir PS4, c'est pour ça que je dis ça. Là, c'est le McKids des consoles actuelles. Là. Oh, ouais. C'est fou, là. Puis McKids, c'était malade. Là. C'est comme Bugs Bunny Birthday Bash 58. C'est comme... Il y a juste Dom, il y a Dom Papa Cassette qui est comme « Yeah! Yeah! » Oui! Asti qui a raison, Asti. Bugs Bunny Birthday Bash, McKids. En tout cas, tout ça pour dire, acheter Axiom Verge, je l'ai même pas acheté depuis le WEG encore, parce que c'est là que j'ai joué, puis c'est ça. Un autre jeu que j'ai joué au WEG, étrangement, c'était sur ma console, puis je le savais même pas. On a, sérieusement. Un autre de ces drunk buys. Sérieusement, là, c'était carrément, c'est Tricky Tower, j'ai joué à ça, genre justement, j'étais avec Bruno et Lee, puis en tout cas, gars, on jouait, là, pis c'est comme un, il y avait JF Chrome, pis c'est... On jouait, là, c'est comme un Tetris. Je sais pas si vous avez joué, là, ou de quoi, là. Attends, Tetris, le... C'est ça qu'il y a des lignes, le Russian puis... Game, le jeu communiste, là, qui a causé la guerre froide. Mais c'est pareil comme Tetris, mais les pièces, ils tombent. Mais, tu sais, dans Tetris, t'as comme pas le choix. Ils tombent, puis elles restent là. Tu sais, genre, ça bloque, c'est locké, elle est là. Puis le but, c'est de faire des lignes. À ce jeu-là, c'est de faire des towers. Ça n'a pas rapport, les lignes. Fait que là, tu droppes tes affaires. C'est toutes des pièces pareilles comme Tetris, mais il y a de la physique. Fait que, va pas mettre, tu sais, la pièce qui est... C'est comme le cube décalé, là, qui est comme un S laid, genre. Va pas mettre ça debout, là. Parce que ça va tomber, tu sais, genre. Fait que, faut que tu te places tout ça. Fait que, disons, on jouait, puis on découvrait tout le jeu ensemble, en même temps. Pis là, t'as comme un petit magicien qui est à côté de ta tour, pis c'est là qu'on a réalisé comme... Ça, c'est pas juste comme de Tetris. Le magicien apparaît? Non, il est là depuis le début, tu le sélectes même au début du jeu. C'est juste qu'on était comme, c'est là pour faire cool, tu sais, ou de quoi, mais finalement, ça sert à quoi? Quand tu payes certains pitons, ils garochent des sorts, t'as du white pis black magic. Le white, naturellement, aide-toi, le black fait chier tes chums que t'es en train de jouer contre. That's racist. Le blanc, il est là, puis là, tu fais le white magic, puis le blanc, il vient, genre, locker, ça fait des pièces en roche, ça fait des pièces en plantes, genre, puis ça fixe des affaires. Puis là, mettons, tu fais le black magic, ça fait que les prises de... Pas les prises, les blocs de tes chums, ceux qui s'en viennent pour descendre, ils deviennent gros au bout, du super géant, ça les transforme en piano, ça met des chaînes après que tu peux plus les twister de bord. C'est juste drôle, mais quand t'as des affaires comme ça qui arrivent, puis que t'as de la physique qui vient en bout de ligne... Tu places une mauvaise pièce, tout prend le bord, ça tombe de côté. C'est comme un Jenga Tetris. Puis certains genres de tableaux, tu rajoutes du vent, de la glace. C'est tout pour te faire chier. Mais on jouait à quatre, puis c'était tellement crampant. Puis c'est vraiment le fun là pour du couch... couch co-op? Couch... couch co-op, je peux même pas dire co-op, parce que c'est pas co-op, c'est compte, mais tu sais, du... Un couch fun, là, genre, là, c'est ça, là, les games, ça dure pas longtemps, puis il y a plein de modes de jeu différents, là, je vous parle de lui de même, qui est comme le normal, mais il y a des affaires de laser qu'il faut pas que tu dépasses, que tu places le plus de morceaux. Tricky Towers. On l'achète-tu? Il était gratis, je pense, il y a une couple de... Je me souviens pas d'avoir acheté ça, en tout cas, mais je l'ai pogné, mais même, moi, je paierais un bon 10-15$ pour, je sais même pas il est combien, sérieux, c'était bon. Puis, tant qu'à parler à jeu à poignée, juste avant de partir, on est le 4 octobre. Ouais. Depuis le 4 octobre, sur PlayStation Plus. PlayStation Plus, ouais. Plus. Il y a Resident Evil HD gratis. Tabarnak, je l'avais acheté, ça. Il vaut 20$. Ouais, je sais. Là, il est en deal à 9$, mais pour moi, il est gratis, parce que je sais pas pourquoi. Là, ils m'écrivent tous ces prix-là, mais je l'ai eu gratis. Et il y a... Transformers Devastation qui est gratis. Oh, ma tête. Puis c'est ça, tu l'as acheté, toi. Puis non, je l'ai pas acheté. C'est un de mes chums qui me l'avait passé. Mais là, je suis en train de me dire, justement, comme. Il est gratis, comme... là. Oui, ouais, les deux sont gratis. Okay, les deux, c'est les jeux gratis de PS4. Puis j'étais comme, oh, nice October. Puis j'ai pogné les deux. Puis Resident Evil, je m'en crisse un peu parce que je l'ai fait souvent. Puis ça me. Je sais pas si j'ai. je vais-tu péter les plombs, genre, en jouant encore avec... Faut que je check les contrôles, là. What about Jill, the master of lockpicking? C'est ça, là. En tout cas, parle-moi pas là-dessus. Et je veux jouer à Transformers, même si je sais qu'il est pas malade, mais gratis, je vais le faire en maudit. Moi, j'aurais une question de Weg. Ouais. Oui. J'ai zioté un peu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, et j'ai cru voir qu'il y a eu un genre de private beta de Flint Hook. T'as-tu essayé ça? Tu t'en rappelles-tu? Je dormais. OK, c'est bon. C'était dimanche matin, je m'y couchais à 5h15 à cause que je faisais le ménage. Et tu peux m'en aller pas qui là-bas. J'ai un trouble obsessif compulsif quand il y a des bouteilles vides. Quand t'es prends, fucking drunk, man, tu fais le ménage. Je ramasse tout le temps. Il y avait rien qui traînait. À Comic-Con, on se couchait, là, pis l'appart, ça avait l'air de genre un This is Spinal Tap, là, tu sais, comme plein de bordel partout. Warzone. Là, tu te réveilles pis t'es comme Spick and Span. Dude, qui c'est qui a torché? Pis là, on joke, good guy, Milter. Ah, c'est là, mais c'est plus fort que moi. Mais j'ai manqué Flint Hook parce que j'étais avec Eric Lafontaine à rire ma vie à 5h15, couché à terre dans le chalet. Le genou plein de sang avec un tortillas à côté, qu'Eric m'essuyait le genou avec ça pendant qu'on riait tout. Class act. Puis t'as Zef Timor qui rentre, puis qui sait juste plus quoi faire, puis qui s'en va. Qu'est-ce que vous faites? Wow. Fait que, en gros, c'est ça. Cool. Merci, Joe. Max! Bon, qu'est-ce que tu me jases de bon, mon Max? Qu'est-ce que je jase de bon? Écoute, première chose, vous l'avez sûrement vu passer récemment, ces réseaux sociaux, puis pour ceux-là qui suivent probablement Guiz de Pessimier, c'est tout ça son nom? Pessimier? De Pessimier. Désolé, Guiz, si tu m'entends, je voulais pas scraper ton nom. Ils ont sorti avec Outer Minds le jeu PewDiePie's Tuber Simulator. Je sais pas si vous l'avez essayé. Pas encore. Moi, je l'ai pas essayé, mais j'ai failli le downloader, mais j'étais pas sûr. C'est-tu payant, ça? Puis, non, c'est absolument free avec des microtransactions, ouais. Évidemment. Eric, je pense qu'il était au... Eric était à l'événement. Ouais, il est allé au lunch, là-dessus. Lunch, c'est ça. Ouais. C'est un genre de private event qu'ils ont testé avec des YouTubers. Il y avait Ariane Martineau. Attends, Eric, c'est un YouTuber. Ah oui, je suis sous, fait que je review. Non, mais Eric, c'est le gars plugué dans l'industrie du jeu vidéo montréalais. Il connaît tout le monde. Mais oui. Là, c'était un événement... Fait que PewDiePie... Tuber Simulator. Techniquement, ouais. Le jeu, c'est dans le style 8-bit qu'on a l'habitude de voir de la part de Outer Minds. C'est un jeu qui est gratuit, disponible sur iOS, sur Android. Je l'ai testé Je l'installe à l'instant, regarde. Et Milter est en train de l'installer présentement. En gros, c'est PewDiePie's qui t'explique un peu les rudiments de « tu veux devenir une star de Tuber » parce qu'ils veulent pas plugger le mot YouTube pour des causes de droits d'auteur, bien évidemment. Puis il dit « ok, tu commences dans ta room qui fait, mettons, 5x5, c'est super petit. Ton bureau, c'est une vieille boîte en carton délabré, tes murs sont défoncés. Tu commences, t'as juste une souris, un ordinateur. » Fait, il dit « tu commences à faire des vidéos, ça va te rapporter des views puis des subscribers. » Les views, c'est considéré comme ta monnaie dans le jeu. Puis avec tes views, t'achètes des choses qui donnent des points dans plusieurs catégories. Puis dans ces catégories-là, si tu fais des vidéos dans ces catégories-là, puis t'as plus de points dans la dite catégorie, ça t'amène plus de views. Dans le fond, tu fais juste t'acheter du stock over and over. Tu te fais des salles plus grosses. Tu commences à tenir avec Pelep. À qui? Pelep. Ah, avec Stéphane Pelep. Pelletier. Bref. Techniquement, c'est le genre de jeu que normalement sur cellulaire, je suis pas super intéressé. Je suis pas vraiment un gars qui est genre gaming sur cellulaire. Ce genre de jeu-là, normalement, m'écœure. Mais normalement, les jeux d'Outer Minds, je les ai aimés. Tadpole Tap, que j'ai essayé, que ma blonde, je pense qu'elle a complete à 100% d'ailleurs. On a joué assez longtemps. Puis, étrangement, j'accroche. Oui, il y a des microtransactions dans le jeu. Tu peux t'en tirer facilement, ça. Oui, c'est ça qui est le fun, puis c'est ça que j'aime de l'approche d'Outer Minds, c'est que c'est pas le genre pay to win. C'est que oui, t'as des microtransactions, mais tu peux pas le mettre tout faire, juste un petit peu plus long pour y parvenir, avoir tout dans le jeu, toutes les skins, toutes les parts, toutes les décorations. Puis évidemment, t'as une série de quests dans le jeu qui dit « Ah, faut que t'atteignes tant de views total, faut que t'atteignes tant de subscribers. » T'as des genres de mini-games avec les deux penchiens Pug de PewDiePie's. Bref, ça te permet de multiplier tes points pour avoir ton stock plus rapidement. C'est quand même un petit jeu bien intéressant sur cellulaire. Moi, je pensais juste essayer ça pour le fun, pour avoir un petit peu de passe-temps durant mes temps libres, mettons, à ma pause à la job. Mais ça a l'air d'un bon jeu de sous-marin de balcon, là, pour moi. Là. Ben, ça, ben, tu sais, mettons, de 0 à 10 fois 2 ronds rouges sur tes cuisses pendant que tu vas à la salle de bain, tu lui donnerais une cote de combien? Honnêtement, puis c'est surprenant de ma part, considérant que j'ai de la misère avec PewDiePie puis ses vidéos, mais le style que ça donne... Je pense que t'as dit « j'ai de la misère à la salle de bain ». Non, non, quand même pas. Honnêtement, je donne un 8 sur 10. Oh, OK. Parce que c'est un jeu qui t'en demande pas beaucoup. Tu peux jouer un peu, puis finalement, ben tu te rends compte que... T'es constamment rendu sur ton cellulaire à aller checker. Je suis rendu à combien de vues? Je peux-tu m'acheter cette petite patente-là inutile qui va me permettre d'en faire plus over and over? Fait que c'est quand même relativement assez intéressant comme jeu. Puis moi, je pensais juste passer un petit peu de temps comme ça, une couple d'heures par-ci ou par-là. Puis finalement, ben, depuis que je l'ai téléchargé, j'ai dû passer pas loin d'une vingtaine d'heures straight dessus. Qui, normalement, j'aurais jamais fait ça sur un jeu de cellulaire, personnellement. Depuis que tu l'as installé hier, dans le fond, tu dors pas. Ça fait quoi, 2-3 jours que je l'ai installé? Ah, c'est quand même bien, puis, ça, des fois, ma blonde me parle, puis j'y réponds pas, j'ai les yeux stickés là-dessus, parce qu'il y a des genres de minigames qui passent, il faut que tu cliques sur l'écran au bon moment, quand il y a un aigle qui passe, que c'est ton sponsor, en fait, dans une box. Un aigle? C'est un aigle qui passe avec une boîte, avec un drapeau finlandais. Je me souviens plus c'est quoi sa nationalité à PewDiePie. Puis quand tu tapes sa boîte, ça donne des views, ça donne des subscribers. Bref, c'est quand même relativement intéressant. C'est ça son truc, il y a des aigles. Ou il est finlandais. Non, mais moi, je veux savoir, là, de jouer à ce jeu-là, tu l'as comme pas mal maîtrisé. Est-ce que tu te sens outillé pour te lancer dans une carrière de YouTube? Absolument zéro. Good. Le jeu te donne l'impression que le YouTube que game, c'est facile, c'est facile, puis que c'est du ramasser n'importe quoi. D'ailleurs, dans ma friend list du jeu, j'ai PewDiePie dans la liste. Puis quand tu vas voir son room, c'est quasiment une room robotique avec 4 caméras qui regardent une poupée gonflable à moitié tout nu, avec un canard, ses 2 chiens, puis un autre animal qui regarde les caméras puis qui s'en occupe. T'as donné une idée d'à quel point ça a l'air ridicule business. Un peu. Ouais. Hey, merci Max. C'est cool de découvrir des jeux de cellulaire parce qu'on n'en parle pas vraiment assez souvent dans le jeu. J'ai downloadé. Puis tu vois, le downloadé live. Sur le Wi-Fi, André. En plus. Oh oui. C'est pas grave, il était limité. Ok, fuck. Tout va bien. Hey, le flow est bon, les boys. Avez-vous besoin de prendre une pause avant qu'on arrive dans le sujet principal? Ou... Mais le temps, tu t'as besoin d'une excuse pour pas parler au micro? Moi, je dirais oui, là, mais c'est pas grave, là, c'est pas vous autres. Ben sinon, on peut continuer ce trade pipe. Moi, je trouve que la chimie est bonne. Puis le monde sur Facebook, quand tu vas donner une pause. C'est sûr. Le monde sur Facebook. Besoin de deuxième pape, ça, c'est sûr et certain. Ben écoute, j'inviterais Milter à aller te chercher une. Hey, dans le bas du frigo. Puis en passant, si je peux amener juste un petit astérisque par rapport à ce qu'on a dit par rapport au DLC. Une quoi? Astérisque. Comment qu'on prononce Astérix comme du monde? Par rapport au DLC, tu disais de Dead or Alive 5, qu'il y a à peu près pour 1100 quelques piastres de DLC. Ouais. C'était avec quelqu'un justement du collectif qu'on jasait de ça récemment. Je pense que c'est un jeu qui s'appelle Train Simulator sur Steam. Il y en a pour over 3000 quelques piastres, c'est pas plus que ça. Des trains de plus, Sheldon des Cooper tracks. A 3000 quelques piastres d'investi là-dedans. T'imagines-tu le gars qui dépense 3800 piastres en DLC pour des tracks de chemin de fer? Non, mais ça, honnêtement, je vais aller prendre une page dans le livre à Milter et je l'assume, là. Puis je me sens un peu mal d'en parler parce que ça l'a comme été parlé dans les médias de masse récemment, là, mais la public cible de ces jeux-là, c'est les autistes. Les autistes. Ah. Fait que là, les boys... Gros sujet ce soir. Ouh. On a répondu aux questions du public. On a démystifié pourquoi on était rendu sur Facebook. Eh bien, ce soir, on a eu Max Taillon, qui est un de nos auditeurs. Que, je sais pas, Max, si t'es encore sur le chat, mais si t'es encore sur le chat, merci pour le sujet. Parce qu'on vous a demandé il y a quelques temps de quoi voudriez-vous que le collectif parle lors d'un des prochains enregistrements. Puis, ben, c'est une excellente suggestion. Max nous a posé la question, ben, les suites, tu sais, lesquelles qui sont bonnes, vos mal-aimés, les jeux vidéo, les films. Donc, ce soir, pour on une va fois parler... que Max fait une bonne suggestion, pareil. Ah, parce que, chaque fois, d'habitude, là. Qu'est-ce que j'ai dit dans le dernier épisode à propos du listener shaming? Ah. Oh. Okay, tu peux faire du Sophie Durocher shaming, c'est mais pas plus du fort listener que moi. Shaming. Donc, en réalité, ce soir, on va parler des suites. Ben, les suites, c'est quoi? Y en a-tu trop? Y en a-tu pas assez? C'est pourquoi qu'on en fait? C'est quoi une suite? Lesquelles sont bonnes? Lesquelles sont mauvaises? Ben, y a un paquet d'exemples. Puis là, Guillaume, t'as préparé certaines notes, puis tu nous as mis un peu des classiques pour stimuler la conversation. Donc, donne-nous des exemples de suites. Ben, on va commencer avec mon sujet, ce que je maîtrise un peu plus, le film. OK. Pas que je connais pas le jeu vidéo, mais mes années de commis du Parc Vidéotron font en sorte que j'ai un petit biais. Parce qu'ils ont pas de jeu, là, si je suis pas avec le Vidéotron. Ben, c'était mais plus non. Des films, là. En tout cas, dans ceux que je travaillais. Dans le temps. Back in the day. Oui, back in the day, quand j'avais pas de poils blancs. Donc, quand on parle de films à suite, les classiques qui nous viennent à l'esprit, c'est clairement Star Wars. Ouais. Il y a les Star Trek aussi, si on regarde dans la même série sci-fi. Si on continue à surfer la branche sci-fi, pas que le sci-fi ne vit que par les suites, peut-être que oui. Aliens. Très bonne suite. Excellent, j'attendais de voir s'il y avait du monde qui allait les arriver. Cinq. Les cinq, oui. La planète des singes. Oui. Ouais, ouais. Terminator. Oui. Qu'il était dans ma liste, t'as tout pété mon top 100. Je vois une tangente, non, mais je fais fiction, oui, mais là, je parle de science-fiction. Mais comment ne pas mentionner le parrain, Godfather, qui est, selon moi, la suite qui a comme un peu donné les lettres de noblesse au fameux sequel. Mais sinon, il y en existe. Tu sais, on s'entend, il y a beaucoup de suites en série, là. Tu sais, comme des plus que trois. Tu sais, on regarde Star Wars, on... bientôt 8 si on compte pas les side games, les, en 2018 ça va être l'épisode 8, après ça il y a les Star Wars Stories qui sont des parallèles. Bambi 2 hein? Bambi 2, oui, mais les cartoons, The Revenge aussi. Dans mes notes j'avais noté aussi que les cartoons étaient aussi une source de beaucoup de suites, si on parle de Ice Age, Toy Story, ouais, et compagnie, on s'entend, c'est Petit pied, le dinosaure 18. Mais permettez-moi, messieurs, justement, tenant compte de ça, là, on a des exemples un peu de suite, mais pourquoi pensez-vous qu'il y a autant de suites? Pourquoi c'est une tendance qu'il y a? Pourquoi un film ne peut pas s'arrêter à « je fais un film et il débute là, il se termine là, et merci, bonsoir, on l'apprécie pour ce que c'est. » Pourquoi il y a autant de suites? Ben, moi, je dirais... Moi, j'ai une réponse, je pense, mais Guillaume, au pire... Je sais, il y a une question de retour sur l'investissement, de facilité créative. C'est genre une paresse, peut-être, intellectuelle. Mais ça, c'est l'aspect, je parle du point de vue de la personne qui met son argent pour produire le film. Mais il doit, j'imagine qu'il y a aussi une demande. Tu sais, s'il n'y avait pas de demande, les gens ne redemanderaient pas, il n'y en aurait pas. Mais tu sais, là, c'est... plus un l'œuf ou la poule rendu là, qu'est-ce qui vient avant, la demande ou l'œuf? Okay. Ben, tu touches un peu mon point, dans le sens que moi, je pense qu'il y a deux sortes de suites. Il y a les sortes de suites pensées d'avance dans le genre Lord of the Ring, okay, que le gars, il savait quand il allait faire ça, qu'il en faisait trois. Okay. Puis c'était planifié d'avance parce que son histoire ne se dit pas en un film. Et que ça ne se disait même pas en un livre. C'est exactement, là. Et il y a le type de suite à la, je vais dire, Fast and Furious ou peut-être même Ghostbusters, dans le sens que le film, il est là, il a pogné, il y a une licence, il y a un concept. On s'entend que c'est pas nécessairement là pour sa profondeur intellectuelle ou quelque chose. C'est un concept qui se répète facilement dans une autre situation. Fait que ça me fait un peu penser à ce que Guillaume dit, c'est les studios, les producteurs... qui disent, bah, si je drop un petit million drette ici, j'ai dit un petit million, là, mais tu sais, c'est plus que ça, mais je vais avoir un retour facile sur mon investissement juste à cause de la base de qu'est-ce que c'est. Fait que, tu sais, ça dépend, c'est une suite artistique ou une suite de production studio du Easy Money, du, tu sais. Okay. C'est, il y a Max, deux styles. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, je m'en allais dire exactement les mêmes points que Guillaume puis que Milter a apporté. Déjà, il y a sûrement une demande du fanbase qui veulent une suite. Fait que ça leur donne, dans le fond, une raison ou une envie d'en sortir un deuxième ou un troisième, sinon plus. Il y a les suites logiques qu'on, les gars, comme Milter disait, ils savaient qu'il allait en avoir deux, trois, que ça peut pas rentrer, admettons, comme Lord of the Rings sur un seul livre ou sur un seul film. Mais je pense que majoritairement, au niveau des suites par rapport aux studios de films, c'est toujours une question de faire plus d'argent avec quelque chose qui a été populaire. Simplement, non seulement tu vas faire plus d'argent parce que tu sais que le monde va aller le voir, ça te permet de ressortir encore des produits dérivés souvent, mettons, avec les affaires, les, je te donne un exemple, mettons Finding Dory ou Finding Nemo. Ben, avec Finding Dory, ils peuvent ressortir encore des affaires de Nemo qui reviennent au goût du jour, à refaire du cash là-dessus. Ressortir Nemo en DVD. Exactement, ça va revendre inconditionnellement, ça va faire des ventes pour Finding Nemo en même temps. Fait que oui, ils vont faire une certaine dépense dans ça, mais au bout du compte, ils vont quand même en générer probablement quand même pas mal de cash. Fait que selon moi, c'est une des plus grosses raisons pour lesquelles il y a des sequels. En plus de la demande des fans, c'est la rentrée d'argent qui vient avec ça. Ben, ça donne l'envie d'en faire plus, j'imagine. Ben, tu sais, c'est pas fou ce que vous dites. Moi, j'ai tendance à analyser souvent aussi l'aspect général des choses. Puis moi, ce que je me rends compte, selon mes observations, c'est qu'il y a une modification du comportement d'écoute des gens aussi. Donc, dans les années 80, les séries télé, ça n'existait pas à part Knight Rider et des affaires la même. Puis même dans le temps de ces téléséries-là, MacGyver, les épisodes n'avaient pas nécessairement des répercussions sur les autres. Donc, c'était des histoires contenues ensemble. Puis il n'y avait pas nécessairement un fil conducteur entre tout. C'est d'arriver peut-être à la fin des années 80, début 90, qu'on a vu des épisodes qui appelaient ça des story arcs, que là, on se ramassait avec des 2-3 émissions qui se suivaient à la file puis qui avaient une répercussion. Merci les feux de l'amour d'avoir Mais tu sais, ça a eu des impacts, puis on a eu l'apparition de séries télé comme V puis des affaires comme ça. Puis je pense que c'est à partir de ce moment-là que ça a changé un peu les habitudes de contenu. Là, on avance ça d'à peu près une vingtaine d'années, puis on arrive dans les années 2000. Mais les années 2000, là, on a la naissance de 24, puis des trucs comme ça. Donc, les gens commencent à écouter des séries télé, puis c'est la même histoire qui suit. Puis là, ben, ton personnage, que tu t'attaches à lui, puis tu as un appel à l'émotion, parce que d'un, ben, on les écrit 4 fois mieux. Les histoires sont beaucoup plus adaptées, il y a de la recherche mise derrière ça, il y a beaucoup de coûts de développement. T'as le temps de construire le personnage aussi. Quand c'est un travail de qualité, là, on s'entend. Donc, tu sais, si je me souviens, on prend une série qui avait été investie par Fox dans le temps, qui était Fastlane, qui a été cancellée, parce que Fastlane avait des coûts de production de 1,2 à 1,6 million par épisode. Ce qui, dans le temps, était beaucoup. Qui, dans le temps, on parle, je pense, en 98-99 environ. Donc, c'était des énormes coûts de production. Puis, si on fait un parallèle avec les films hollywoodiens, ben là, il y a des gros coûts de production hollywoodiens. Donc, ce que ça fait, ben c'est super simple, c'est que les gens s'habituent à écouter des téléséries en rafale, les gens s'habituent à s'approprier des personnages. Puis, ma perception de ça, c'est que on est arrivé au cinéma pis on a fait... Ils peuvent pas juste... Quand c'est ça? On peut pas juste... comment je peux dire? On peut pas juste tolérer que l'histoire arrête. Donc, les studios, puis c'est là que je viens vous rejoindre, ils ont catché, OK, la fanbase est habituée de consommer du produit, on vend des produits dérivés, que ce soit des gens de 35 ans ou des kids, mais on peut carrément étirer la sauce autant qu'on peut, puis les fans vont aller le voir. Sauf que je pense qu'il y a eu un changement dans les dernières années, puis ça va m'amener à la prochaine question que je vais vous poser, mais... Est-ce que, selon vous, les studios ont commencé à prendre la fanbase pour acquis? Parce que là, vous avez dit, ben OK, c'est correct, on fait des suites parce que le monde en redemande. Le monde veut écouter des suites. Ben, selon vous, là, avec des réactions violentes et assez chambranlantes comme Ghostbusters récemment, qui a été là une suite, un reboot, un peu importe. Un reimagining. Juste parce qu'ils savent plus justement ce qu'ils font avec, d'après moi. Tandis qu'il y a des affaires comme... Mais est-ce qu'ils prennent les fans pour acquis, Joe, selon toi? Pour certaines, ben ça revient encore à ce que je disais un peu tantôt, dans le sens qu'il y a pourquoi qu'il fait. Puis quand je vais prendre comme justement ton exemple, Ghostbusters, c'était pas obligé d'être fait. C'était pas obligé d'être fait de même. On a beau dire ce qu'on veut, je l'ai même pas vu encore. Fait que je veux pas me porter sur le film, mais personnellement, je pense pas que c'était nécessaire, puis je pense que c'était marketer le IP de Ghostbusters, un peu justement, comme tu dis, prendre les fans pour acquis. Ils ont vu qu'il y a des gros fans, il y a un fanbase, le monde aime Ghostbusters, les enfants aiment Ghostbusters encore, pourquoi? Parce que c'est un bon IP, c'est cool, Chris, comment tu peux pas aimer ça, des chasseurs de fantômes, les fantômes sont cool, tu sais. C'est ça. Mais quand tu prends des films comme Mad Max, qui était excellent, que c'est le même gars qui l'a fait 20 ans plus tard. Techniquement, c'est pas une suite, c'est pas un reimagining, c'est pas un remake, c'est juste une autre histoire dans le, même univers. L'univers de Mad Max, même si le dude il a son même nom pis tout. Mais, tu sais, c'est... Est-ce qu'on pourrait chasser le félin de la table? C'est... Mais, tu sais, ça dépend. Puis encore, gars, il y en a des affaires qui ont pris, d'après moi, le fanbase pour acquis puis qui ont pas nécessairement fait de la merde, comme Jurassic Park avec Jurassic World. C'est pas parce que le film... c'est pas parce que c'est Jurassic Park puis qu'ils en font un 10 ans après que ça va être nécessairement pourri. Tu sais, il y en a que c'est... oui, ils prennent... En même temps, oui, eux, d'après moi, ils ont pris les fans pour acquis. Mais ils ont quand même pas pris pour acquis au point de dire on va couper partout, faire de la merde. On va leur donner ce qu'ils veulent. Puis ça va nous revenir dans un sens. Parce que, tu sais, t'apportes un point intéressant. Prendre le fan pour acquis pourrait être aussi justement... Bon, ben écoute, on va faire un film de Ghostbusters, mais... Mets-moi les effets spéciaux le plus cheap possible, engage les staffs le plus cheap possible, puis mets-moi un script de merde, parce que peu importe, ça va s'appeler Ghostbusters, on va aller cacher. On vend le logo. C'est ça, exactement. C'est ça l'affaire. Mais je suis curieux de vous entendre, vous autres. Pensez-vous justement que c'est une tendance où on moindrement qu'il y a un fanbase, on va aller l'explorer comme une suite, ou... Moi, je pense que il y a de plus en plus une tendance en ce moment aux suites, mais je pense que ça revient surtout... oui, à cause du fanbase, mais aussi à cause du matériel source. Si on regarde, c'est quoi en ce moment l'industrie qui a le plus de suites? C'est les films de bande dessinée. Les bandes dessinées, c'est comme une histoire sans fin qui continue. C'est qu'on pourrait dire à la base, c'est comme toujours une suite. Ça, j'allais dire, ils ont tellement de contenu. Puis, depuis, tantôt, Milton a parlé de Lord of the Rings, mais on pense à Harry Potter. Qui est une suite qui est digne de mention. C'était quoi, Fantastic Beasts, là, je pense, qu'ils ont même décidé de prolonger? Un offshoot de l'histoire principale, mais on dirait qu'il y a de plus en plus de films qui n'est pas du contenu original. C'est qu'en partant, si ton film est basé sur une série de livres, tu sais, on s'entend, exemple, les Clear and Present Danger, puis c'est tous des films dans le temps avec Harrison Ford qui a été remplacé par d'autres acteurs par la suite, c'était des séries de livres. C'est pas vraiment des suites, mais c'est dans un univers consensuel. Comme les James Bond, théoriquement, c'est des suites, mais dans la chronologie, des fois, de l'œuvre originale, c'est rendu des stand-alone, mais tu sais, là, les barrières sont un peu... Apprenons même Game of Thrones qui a dépassé le matériel source. Ouais. Walking Dead qui rattrape The Last Ship vite. Aussi, Walking Dead qui rattrape très rapidement. Mais... Oui, il y a une grosse tendance à ça. Est-ce qu'on les prend le fan, le spectateur pour acquis? Moi, je dirais que par certains, oui, pour d'autres, non. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que, là, on parle, tu sais, dans le film, mais c'est aussi un peu vrai dans le jeu vidéo. Du monde incompétent, il y en a même dans l'industrie du jeu vidéo. C'est pas parce que le gars contrôle un budget de 250 millions pour une production qu'il est plus compétent pour autant, puis c'est ce qu'il fait. Tu sais, juste donner un exemple, là. Basic Instinct 1, là. Attends, il y en a eu plusieurs? Il y a eu un 2, tu sais. Il y en a eu un deuxième. Tu sais, Basic Instinct... Attends, je viens de perdre ma page avec mon pouce maladroit. Mais c'était 200 quelques... Attends, je redescends ici. C'était 201 millions de revenus en 92. Puis là, il y a quelqu'un qui s'est dit, on va reprendre Sharon Stone. Elle avait un genre de petite vague de popularité en 2006. On va faire Basic Instinct 2, 7 millions de revenus. Donc, la personne s'est dit, hey, on va surfer genre la vague de Sharon Stone, le sex appeal, whatever. Ça a été un flop total. Même principe pour Jaws 2, qui est sorti 3 ans après l'original. Ils en ont quand même fait 5. Oui, mais tu sais, Jaws 2, le premier Jaws, c'était 1,2 milliard de revenus. Ouais. Le 2 a fait, on s'entend, 378 millions, c'est puis bon. Le 3, il a fait chier. Exact. Mais tu sais, on parle-tu de Superman? Superman 4. Tu sais qu'il faut qu'on parle le moins possible de Superman. Home Alone, là. Après le 2, il y en a sorti là, c'était 4. Rendu, justement, comme on dit, cream de cow. Tu sais, on voit milk de cow, je veux dire. Et envoie, on essaye d'en sortir. Ah, cream de cow, c'est... Ouais. C'est pour les enfants. Milk puis, de cow. Bah, une petite parenthèse sur Home Alone 2. Donald Trump a laissé un enfant perdu dans un hôtel à lui seul dans ce film. C'est quel genre vrai. D'homme fait ça? puis les gens vont voter pour lui. Puis, en tout cas, je dis ça de même. Puis un autre exemple que moi, j'aime toujours donner par rapport à, des fois, les gens ont peut-être des bonnes intentions, mais sont juste peut-être incompétents, ou des fois, il y a des gens qui sont pour l'appât du gain, puis il y en a d'autres qui savent. Mais des fois, c'est le petit concept de genre, mais, il est facile à prendre pour attirer du monde, comme tu dis des films de même, là, la Death Race. Là, Matrice 2 et 3. La Matrice 2 et 3, d'après moi, c'est le genre de film qui était écrit d'avance pour compter l'histoire artsy, puis c'est juste parce que c'est deux fuckés qui l'ont écrit, puis que ça s'est perdu un peu dedans. Mais des films comme Death Race 2 à 5, là. Ça, c'est n'importe quoi. On avait-tu besoin de ça? Des straight-to-video cheap release sequel de, on profite de Lac Placide 26, là. Mais faut pas oublier une chose aussi, puis c'est un peu... C'est un peu ironique parce que j'ai eu la même discussion en fin de semaine avec Alex puis Ghislain. On avait un souper de la gang ensemble. Puis Alex a apporté un point quand même assez intéressant. Puis je vais faire honneur à son point présentement. Mais il y a beaucoup de suites, il y a beaucoup de reboots, puis il y a beaucoup de trucs qui sortent. Puis que les studios, nous, on est les premiers à l'avoir. Puis c'est très américanisé. Mais c'est clairement pas orienté vers un marché américain. C'est orienté, tu sais, c'est. Japon. Ghostbusters va être un succès. Japon, peu importe. Mais outre-mer, ça va être des films qui vont performer vraiment bien parce que dans leur culture, eux autres sont habitués. On prend juste un cliché un peu, mais Godzilla qui a eu X nombre de versions de Godzilla, ben dans leur culture, eux autres, ils sont habitués à ces sequels-là. Donc, ça les dérange un peu moins, puis on vend cette nostalgie-là. Parce que ce que j'ai remarqué beaucoup dans les dernières années aussi, c'est que la majorité des suites sont des reboots ou de la nostalgie. C'est rarement une suite directe. Il y a certains films qui vont avoir des suites directes, qui vont donner le goût aussi. Je donne un exemple, Jack Reacher, que le premier film avait passé un petit peu inaperçu, je vous dirais. Excellent film policier militaire. Ça, c'est avec Tom Cruise, hein? Ouais. Non, puis... Jack Reacher. Ok, non, excuse, j'avais ça. C'est quoi Keanu Reeves, là, qui te sont chiés? John Wick. John Wick. Oui, ouais. Aussi qui s'en vient. Qui a une suite qui s'en vient de John Wick. C'est ça, je pensais que tu parlais de ça. Ouais. Donc, il y a quand même des bonnes suites qui existent. Puis là, je suis juste curieux parce que. Taken 2. On a nommé plusieurs trucs, mais on parle d'un aspect négatif. Mais il y a du bon qui ressort des suites aussi, là. Il y a des bonnes suites. Mais. Max, c'est quoi ta meilleure suite? Ma meilleure suite, tu parles au niveau vidéo ou au niveau jeu vidéo? Film. Au niveau film, ben écoute, moi c'est sûr et certain que c'est Star Wars, sans hésiter. Lequel? Dis-moi pas épisode 1, là. Ben non, quand c'est même. C'est pas une suite. Ben, je te dirais que, de mon point de vue, la meilleure suite, c'est Return of the Jedi. Ça, c'est mon point personnel. Ça, c'est le 6, ça. Ouais, exactement, c'est l'épisode 6. Je suis d'accord, c'est un bon. Ok, intéressant. Toi, Guillaume, je te relance la même question. Moi, j'ai adoré Star Wars épisode 5, mais vu que là, notre collègue a dit Star Wars, je dirais... J'hésite. Je suis pas un gros Star Trek, mais c'est vrai que Wrath of Khan était vraiment meilleur que le premier, mais j'aime pas vraiment Star Trek. Puis je vais... je vais défendre mon point de notre épisode de Box Office, il y a plusieurs épisodes. Mad Max Fury Road. Parce que pour ceux qui... Il est excellent. Ceux qui glorifient encore un peu les premiers Mad Max, faut se rappeler que Mad Max 3 Beyond the Thunderdome était un flop sur toute la ligne. Oui, il y a Tina Turner, oui, c'est très corny, mais financièrement et au niveau des critiques, c'était vraiment pas bon. Puis c'est pas pour rien que George Miller est parti faire le film Babe après, mais... Fury Road, et même s'il y a beaucoup de gens qui aiment le diss en disant que c'est un film qui n'a pas d'histoire, je veux dire, moi je trouve que c'est une œuvre d'art visuelle, c'est incroyable. Au niveau de la technique, en tout cas, pour moi c'est une suite un peu hors norme, suite que tu sais, c'est pas une suite typique. Si puis là je vais me lâcher lousse là, si on parle de suite typique qui est une suite logique qui a comme pas de brisure, pas de remake ou de reboot, je dirais dans Lord of the Ring, le Return of the King, qui était le seul des trois qui a gagné le score du meilleur film. Joe? Kill Bill 2. Bon choix. Parce que Kill Bill 1 puis Kill Bill 2, un back-à-back, c'est excellent. Puis moi qui aime un peu le style de cinéma asiatique, mais pas les animés, là, le cinéma, et les vieux westerns américains, Je trouve que ça fit pas ensemble, mais que c'est malade ensemble en même temps. T'étais à ton comble, là. Fait que, ouais, c'est ça, c'est excellent, je trouve. Il y a bien du monde qui aime pas le 2, ou qui le trouve moins bon. Moi, je le trouve excellent, ça rajoute la profondeur au personnage, dans les choses. Le premier, il y a beaucoup de kills pour rien. Le 2, ça, c'est du dialogue, c'est du pourquoi, ça finit toutes les boucles qu'il y avait. Puis, en tout cas, moi, je trouve que les deux back-à-back, tu peux pas te taper des meilleurs films que ça. Puis sinon, je dirais juste pour mon plaisir personnel, toutes les Friday the 13, plus quétaine un que l'autre, Jason in Space, c'est excellent. On a dans le chat Sacha Lefebvre qui dit « Aliens est l'une des meilleures suites au cinéma ». Très d'accord avec ça. On a Celerar que sort, je pense que c'est Charles Rock, qui dit « Je crois que ma meilleure suite, c'est Back to the Future ». Lequel? Le 2? Ben, pas mal. Ben, les deux étaient bons. Le 2 était iconique. Le 3 n'est pas à sous-estimer. Moi, j'adore le 3. Le 3 était bon. Ouais, j'ai bien eu de la misère avec le 3 personnellement. Le 2, il était excellent. Le 2, moi, me mindfuck complètement quand j'étais un kid. Ouais. Honnêtement, pendant une semaine, j'étais comme, je comprenais plus. J'essayais de le comprendre, j'avoue. Là. C'était écœurant. Le 3, moi, j'étais un fan de western, fait qu'encore, c'est... Moi, pour mon côté, j'essaye de penser à des suites, puis je vais aller dans une direction totalement à l'opposé, mais... Caddyshack 2. Non, mais l'agent fait la farce 2. Emmanuel 3. En fait, là, l'agent fait la farce, là... Attends, c'est quoi? 2 and a half? Oui. 33 et un tiers. 2 et demi, puis... C'est ça, ouais. L'agent fait la farce 2, c'était juste drôle. 2 et demi? Dis-les comme faux, André. Pardon, là. Mais ça, c'est dans mes... Il dit qu'il respecte le film, mais il est même prêt à le nommer comme du monde. Hé... Tu vas retourner dans la cage. OK, OK. Mais en réalité, l'agent fait l'affaire, c'est ça a marqué ma jeunesse. Je l'écoutais tellement, là, puis c'était juste drôle. Puis, sais-tu quoi? C'est un des films que, même à ce jour, je l'écoute en français. Puis, c'est drôle, pareil, en anglais, mais en français, la traduction était tellement... Mais ça, c'est les années de l'âge d'or des traductions, là. Comme Le Flic de Beverly Hills, qui est une suite aussi qui est... Oh, man! Oh, fat ouais. Upper, là! Beverly Hills Cop 2 ou bien l'agent fait l'affaire 2? Mais parce que t'as Tall Blonde Bitch dans le 2, là, c'est comme le gang de l'alphabet, Tom McLean. Je m'ennuie tellement des traductions. J'ai tellement écouté l'agent fait la farce avec mon père, là. C'est mon père, il était plugué avec des clips vidéo dans le temps, parce qu'il était agent immobilier. Nice. Comme dans Scooby-Doo, là, la gang, tu trosses pas. Fait, les notaires. Il se tenait avec cette gang-là, là, de mon... les meddling teenagers. Ouais, les Italiens avec des clips vidéo louches, là. Tu sais, là, ils se tenaient avec ça. Il y avait des plugs, puis à toi, il faut qu'on voulait la trilogie là, de Naked Gun. Là. On pouvait l'avoir, là, easy as shit. On l'écoutait tout le temps. Là. Guy vient de me faire changer d'avis, puis j'oublie ça. Beverly Hills. Beverly Hills Cop 2, là, oublie ça. Là, c'était tellement fucking bon, man. Travailler en sous-marin, puis... Oh, man, là, ça me revient tout dans la tête. Je peux-tu vous mindfuck pendant 2 secondes? Mindfuck. Tu connais-tu le film The Shadow? Oui. Ah. Avec un des Baldwin. Okay. Oui. Oui. Savais-tu que ce film-là, techniquement, n'est pas nécessairement une suite, mais se passe dans le même univers que l'enfant sacré du Tibet? Wow! Mindfuck, en effet! Hein? Wow! Tu sais le couteau dans l'enfant sacré du Tibet, là, qui la est dague. Comme la dague de Gentil. Spéciale. Ouais. Mais check The Shadow, là. Pis il a la même dague avec lui, man. Fait que dans le fond, de Shadow... Mais Sardou Moupsi, il est pas dedans, là. Son frère, check là, de Shadow. Donné, là. C'est-tu le même studio qui a fait le film? Ils ont juste sauvé les props. Je le sais pas, mais... Le pire, c'est que c'est le même exact props. Wow. Le couteau qui est dans le film. Puis il paraît que c'est le même couteau, la même légende, la même affaire. Mais The Shadow, c'est basé sur un comic book. Oui, ouais. Je le sais. Mais j'avais vu un enfant sacré du Tibet, par exemple. Ah, ça, avec. Oui, beaucoup. Il aurait fallu une suite à ça. Mais là, Max, t'avais l'air à réagir violemment de ton coin. Là, ben, en fait, non. Je suis juste en train de me mindfuck puis de réaliser The Shadow, ça serait un prequel à l'enfant sacré du Tibet. Oui, exactement. Oh, fuck, man. Genre de film que vous êtes content qu'il n'y ait jamais eu de suite. Dick Tracy. Je lâche ça random. Ça, j'avoue que je suis content. Puis ils vont faire un reboot à un moment donné. Puis je vais probablement être triste. Mais je suis content qu'il n'y ait pas fait de suite. Mais justement, là, on a parlé des bonnes suites. Mais selon vous, qu'est-ce qui n'est pas considéré comme une bonne suite? Qu'est-ce qui n'aurait pas dû exister? Ou qu'est-ce qui ne mérite pas d'être là comme suite? Enlevons l'éléphant dans la pièce. Ouais. Star Wars 1, 2, 3. La prequel de George Lucas. Je suis pas d'accord. Non, mais s'il y a bien une série qui génère du hate, parce que c'est la seule série, pour ceux qui sont peut-être moins cinéphiles, là, Star Wars 1, 2, 3, c'est la seule série que George Lucas a travaillé 100% tout seul. Réalisation, production. Là. Tout seul. Puis la raison pourquoi la série originale, là, 4, 5, 6, ont été si bien faites, c'est qu'ils s'étaient encerclés de professionnels du milieu qui étaient reconnus, qui étaient très, très, très bons pour le 5 et le 6, surtout. Mais le 1, 2, 3, il a voulu faire à sa tête. Il a comme envoyé chez tout le monde. Il a dit, je fais mes affaires. Puis c'est une des raisons pourquoi je pense que il y a beaucoup de haine là, à cause de Jar Jar et compagnie. Je pense que ça, on n'a pas besoin d'en parler. Personnellement, je suis pas si je déteste pas ça tant que ça, mais je pense que at large, là, dans la masse des gens, c'est reconnu comme universellement comme étant. Si vous permettez, je vais emboîter le pas là-dessus. Ma suite qui n'aurait jamais dû exister, mais qui se sont repris par la suite, par contre. Puis pour moi, là, je m'en souviens, là, c'était tellement de la déception quand j'étais jeune. Là. Puis Louis, si t'écoutes ça, parce que j'ai un de mes chums, il me semble que c'était avec Louis-Philippe qu'on est allé voir ça. Là, puis Jurassic Park 2. The Lost World. Ça, c'est celui que le T-Rex arrive à New York, ça? Mais c'est ça, mais ouais. Comment tu peux avoir 50% d'un film spot on, là? Puis c'est comme le 1, il suit le livre, plus ou moins, il modifie des affaires, InGen, le kit. Le 2, c'est comme ça commence, puis là, Jeff Goldblum, puis les Raptors, puis la petite fille qui fait... Puis là, maintenant, c'est comme, paf, T-Rex in a town. Puis là, je me souviens, puis ça, c'est moi... À l'âge que j'avais quand Jurassic Park est sorti, puis je m'en souviens plus. Voyons mais, donc. Chris, je suis dans la salle, puis je fais T-Rex dans une ville. Tu me fais pas une référence de Godzilla. Tu me fais pas une référence. Puis ça, c'est dans ma tête. Pas une référence de Godzilla. Pas une référence de Godzilla. J'allais carrément dire. Puis là, t'as un agent qui servait de bord qui fait oh non! Puis là, il part à courir. Puis là, t'as le T-Rex qui arrive. Puis je fais comme tabarnak, how could you fuck this up? Tu sais, c'est comme. Ils ont pris de quoi décœurer. C'était l'année de Godzilla. C'était dans le temps du remake mais de Marvel. C'est dégueulasse. Ils ont scrappé. Puis après ça, le 3, ils ont ramené étonnamment Professor Grant. Ils ont ramené... Étonnamment. Tu sais, ils ont fait comme... Ils ont essayé de sauver les meubles. Ouais. Tu sais, ouais. Ils ont essayé de sauver les meubles. Puis c'est-tu quoi, le 3, ils l'ai aimé. Sauvé. Ils j'ai ont aimé sauvé, le 3. Mais le 2, asti, c'était pas bon, man. Moi, tu vois, c'est le 3 que j'ai moins aimé. Quoi? Ah ouais? Ben, quoi? Quoi? C'est peut-être la façon qu'il est travaillé. Je sais pas si le 2 était fait de la même façon que le premier. Tu t'aimais le bout que le petit gars buvait sa pisse de T-Rex. Non, non, ça, je n'avais rien à foutre. Ça, je trouvais que c'était no fucking sense. Mais, c'est quand j'ai écouté le 3, puis j'ai vu les dinos. Écoute, on a écouté le premier, puis on sait que la majorité était faite mécanique, puis ça avait l'air real as fuck. J'ai adoré ça. Par contre, quand j'ai écouté le 3, tu vois que c'est du CGI, c'est du fait par ordinateur. Tu le vois à 200%, puis ça m'a vrai, fait ça, décrocher du film, parce que moi, j'avais le souvenir, quand j'écoutais The Lost World, à la limite, ou Jurassic Park 1, c'était quelque chose qui était quand même relativement bien fait, puis le 3, on dirait que c'était juste comme, oh, on va couper dans la mécanique, puis on va y aller full CGI, puis là, j'ai décroché, j'ai même pas aimé ça. C'est peut-être juste un point-là qui m'a fait pas aimer le film, parce que l'histoire comme telle est quand même pas pire. Ou, le petit point que j'ai vraiment trouvé ridicule, la chambre à air du Vélociraptor qui souffle dedans pour discuter avec eux, puis l'autre, il dit à côté, dis-leur quelque chose, dis-leur t'sais, d'arrêter, qu'on est des amis, whatever. Pis tu te vois qu'il essaie de faire de quoi, puis est-ce que ça marche? Qu'est-ce que c'est ça? On sait même pas, puis ça on sait même pas encore. Ah, mais d'un autre côté, Chris Pratt qui fait stop, ou Professor Grant qui est comme fuck off, moi essayer de jouer de la flûte comme Zamfir, puis ça va calmer les vélociraptors, puis finalement Careless Whispers. Oh, mais Zamfir, man. Pis, ben, au moins, ouais. Chris Pratt, ça a fait un meme, puis tout le monde a aimé ça. Ouais, mais les memes n'existaient pas dans ce temps-là, par exemple. Faudrait partir une page de vieux memes, genre. Ah, on fait des mimes est-ce comme qu'il y aurait eu dans le c'est temps. C'est ça. Qu'est-ce que ça serait des mimes des années 90? Mais là, Max, t'as réagi à Jurassic Park. Toi, c'est quoi ta suite qu'elle aurait jamais dû voir le jour? Guillaume, il l'avait amené sur papier. The Exorcist, The Beginning. The Exorcist, The Beginning. Je pense que je l'ai même pas vu, ça. Ça a été un flop monumental au niveau financier. Ils l'ont fait deux fois, soit dit en passant, avec ouais. Dominion, prequel to The Exorcist, qui était pas nécessairement meilleur. Les deux étaient pourris. Puis, en plus, il y avait un autre sequel à The Exorcist 2, qu'on n'a pas vraiment entendu parler, que t'avais Max von Sydow dedans, etc. Le film a chier. Apparemment, c'est un des films les plus pourris de l'histoire. J'avoue que ça doit être un des step-down les plus drastiques. Ouais, mais t'as pas eu aussi, pendant ce temps-là, il avait pas fait The Exorcist of... Emily Rose. C'était fucking bon, fait que tu sais, ça a comme... Ça le nom. Bord, le mot exorciste vient fucker tout le monde. Parce que ça n'a rien à voir avec le... Parce que s'il n'était pas relié, mais voulant dire, c'est que tu prends un film que il était basé sur une ambiance, sur un critère. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est le genre d'affaire que ça fitait dans les années que The Exorcist est sorti, puis de faire une suite à ça, quand que ça a plus le même tabou autour, ça a plus la même ambiance, ça... puis en plus, tu scrapes l'histoire, là. Et... parce que Dominion, je l'ai vu, mais c'est l'autre que j'ai pas vu. Là, les deux, c'est sans... il y a quelques personnages de différents. Le ending est différent, mais majoritairement, c'est la même chose. Puis c'est le même prêtre joué par un gars différent, avec le même ennemi qui est Pazuzu. C'est comme ça qu'on le prononce, je pense. Puis c'est un Pazuzu. Pazuzu, je pense son nom. Le démon qui possède le monde. Puis ce que je trouve un peu ironique, c'est que t'écoutes le 1. Pis il est censé le connaître si t'écoutes le prequel. Il l'a déjà fight, il l'a déjà combattu, il l'a déjà exorcisé. Puis là, dans le 1, il arrive, là, pis c'est comme, je sais pas c'est quoi, c'est le gros exorciste, pis... C'est là que tu vois que le film 1 était fait en fonction d'être un film tout seul, pas de suite, exactement. Pas de prequel, pis après ça, il y en a... Après, ils ont pris un IP, pis ouais. On vend ça. En place de faire un prequel, à la limite, sur Exorciste, il aurait dû faire une vraie suite avec un prêtre totalement différent, qui aurait juste pu lire les notes du même prêtre qu'il aurait déjà laissé, pis faire peut-être une mini-suite par rapport à ça, sans s'en mettre un gros... Non, mais il y aurait un petit intéressant. Hint de... continuité aurait été juste en masse. Mais ils en ont fait une suite. C'était pas avec Gavin Rosdale et Keanu Reeves? Non, parle pas de ce film-là. Constantine? Ouais. Le gars, il fume, tu sais, sans arrêt. Ouais. Puis il a le cancer. Ouais. C'est une bonne crise de role model pour les millennials. Keanu Reeves? Ouais. Non, le gars de Constantine. Qui fume avec le cancer. Keanu Reeves? Oui. OK. Oui. Fait The Exorcist Dominion et l'autre que tu n'aimais The pas. The Beginning. Mais... Okay. Puis, comme je disais, The Exorcist 2, celui qui est sorti 3 ou 4 ans après le premier, que très peu de personnes ont entendu parler parce qu'on dit que c'est un des pires films de tous les temps. Non, ça devrait être sorti de la carte. Ça. Milton, ton pire sequel? Ocean's 12, Ocean's 13, Smoking Aces, 2. Ah, c'est dit, oui, c'était 2. Pas bon. Le 1 était tellement bon. Le 1 était bon, le 2... plein d'autres films. Là, ils vont faire un Trainspotting 2. Je suis sûr que ça va être la merde. Ouais. Là, Taken 2. 3. Taken 3. Ouais, laisse-moi me rendre au 3. Attends, il essaie un rôle. Il y en a tellement, là. C'est fou. Mais il y en a que plus ils sont pas bons, plus je les aime. Genre, comme Tremor, Critters 2. Tremor 2, 3 et 4. Yeah, bon. Uh-huh. Ou, tu sais, ça fait. Il y a Karate Kid 3 avec la fille, là. Mais même celui que le même fils de Will Smith était pas. Ouais, non, ça c'est un remake. The New Karate Kid. Ouais, ça c'est de la merde. C'est un remake, ouais. Le 3, moi je compte pas le remake, même si c'était de la merde. Ouais. J'ai Mission Impossible 2, Mission Impossible 3, y a-t-il un 4, Mission Impossible 4, Mission Impossible 5. Y en a un 5, je pense, Rogue Nation. Ah, honnêtement, j'ai. Fast and Furious 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils vont faire 8 bientôt avec la pride de Paul Walker. 6 et 7 étaient bons, le 2 était pas bon. C'est bon quand t'es prêt à rire. Puis pas prendre ta vie au sérieux. Non, mais celui à Brésil, je l'ai trouvé le fun, moi. Lui, c'est quel, ça, 4, 6, c'est le 5, je pense. Celle qui jump d'un immeuble à l'autre en l'embrassant. Non, c'est le 7. Okay. Ouais. Mais, tu sais, il y a plein de films de même que des fois, t'es comme, t'es pas obligé. Mais c'est en même temps, c'est le Call of Duty du cinéma. Tu mets ton cerveau à off. Ouais. Clac. Parlant de, je sais pas si je peux skipper à ça, Guillaume qui dit Call of Duty, qui me fait penser à jeux vidéo, qui me fait penser à meilleure suite existante du jeu vidéo. Une de mes préférées, puis j'ai même pas joué au 4, puis ça a l'air que c'était carrément, mais Uncharted. Plus qu'il avance, plus c'est bon, puis il paraît que le 4 suit dans la Mass lignée. Effect 2! Mass Effect, André... Mass Effect 2, qui est le Empire Strikes Back de la trilogie Mass Effect, mm-hmm. Qui dit « Fuck que c'est bon, puis ça complète le reste. » Vous autres, meilleure suite de jeux vidéo? Mario Bros. 3! Non, excuse. Je t'arrête d'hésiter, moi, honnêtement. T'as tellement à nommer aussi. C'est sûr que si tu parles Overall, là, tu sais, il y a des, l'industrie, les gens s'entendent souvent pour dire les mêmes noms. Mais si je te parle de moi, personnellement, pour avoir joué, mettons, au précédent, parce que, les gars, je dirais pas dire Final Fantasy VII, parce que j'ai pas joué au 6 encore. Tu sais, je peux pas dire qu'il est meilleur. Je dirais Half-Life 2. Ouais. En tant qu'excellente suite. Puis, je te dirais peut-être presque à égalité, Far Cry 3. Par rapport aux deux. Half-Life, ouais, bon, Far parce Cry que 3. Half-Life 2, dans ma tête, à moi, est meilleur que Far Cry 3 en termes overall. Mais Half-Life 1, si tu parles de bon, de qualité, Half-Life 1 était très bon. Le Half-Life 2 était comme révolutionnaire en le, plus de le ce 2 fait, est une Far Cry 2 direct, je pense. Oui, ouais. Mais c'est Far ça, Cry 2 et versus Far Cry 3, il n'y a pas de suite logique. C'est comme des un nouveau setting, des nouveaux personnages. C'est une suite au niveau du nom. Mais je veux dire, le Far Cry 2, je me rappelle, jouais, j'étais comme, Chris, c'est plate. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire. Tu pognais la malaria, tu t'es replacé à la main. Tu sais, c'était. Puis dans le 3. C'était carrément ça. Far Cry 2, c'est vrai. Oh, t'as la malaria. C'est dans le 3. Le plus du 2. Avec Vass, avec l'histoire, il y avait du character development, c'était. En plus, l'engin a été amélioré. Je pense que le step en termes de qualité subjective était là. Mais il juste un petit fait divers pour les auditeurs. Si vous prenez le segment que Guillaume vient de dire, puis vous le faites jouer à l'envers, on vous confirme la date d'Half-Life 3. Ouais, Half-Life 3. 2033. Fait que là, Max, t'as eu le temps de réfléchir. Tu peux. Je te dirais que la meilleure suite, personnellement, que j'ai joué, c'est deux dans la même série avec Seiko. Ça va être Final Fantasy VI, Final Fantasy XII aussi, que je trouve que. C'est un des mal-aimés, malheureusement. Le monde, ils l'ont plus ou moins trippé parce que le battle system avait un petit peu changé. Il était bon, le 12. Un petit peu. Pas mal, même. OK. C'est je suis sûr qu'on parlait du même 12. C'était-tu le premier jeu à avoir du real-time, ça, dans les battles, ça? Le 12? Je veux dire, le active time battle. Genre, ouais, c'est ça, là. Ah, ça, oublie ça. Ça a été à partir du 4, je pense, qu'ils ont introduit ça, le active time battle. Moi, j'ai rien joué au 7. OK. Ben, depuis le 4 qu'il l'a. Officiellement. Le 4, il était caché. Tu t'attendais, puis à un moment donné, t'as un gars qui était prêt à faire de quoi. Dans le 5, 6, 7, 8, 9, là, après ça, t'as eu celui classique qu'on avait été habitué à voir. Le 10, ils sont retournés comme le 1 au tour par tour. Le 11, c'est un MMO, on n'en parle pas. Le 12, c'était un genre de simili JRPG slash action. Où est-ce qu'il fallait quand même que c'est tu bouges ton personnage, que tu le bouges d'une certaine façon, puis que tu fasses tes commandes en même temps, puis t'avais des scripts un peu à la Mass Effect un peu, ou ben à la Dragon Age pour dire à tes gars, ben quand t'es rendu à tant de vie, tu fais telle action. Je trouve que pour un Final Fantasy, c'est un système super intéressant. Puis ben le Story 6, tant qu'à moi, c'est un des meilleurs. Je l'ai en mobile, le 6 que je Je vais me taper un jour, là, un remaster, là, les, tu sais, il est sorti, avec là. Les nouveaux graphiques. Ouais. Quelle suite qui ont échappé? 8. Le 13? Le 13? Okay. Même le 8. Le 13, c'est lui qu'on appelle le X3, ça? C'est ça, 13, Guillaume. X3-1, X3-2. X, ça veut dire il y a plein 10. De gens qui l'appellent X3, ça, ouais, ça se fait en ligne. C'est des fanboys. OK. Ouais. Mais non, honnêtement, le 13, je pense que c'est le pire des pires. Le pire, c'est je l'ai acheté dans une bin, tu sais, pour une bin à rabais. Puis je me l'ai essayé un jour, je l'ai pas vraiment essayé encore. Ça donne pas le goût. Puis vous autres, les boys, des suites qui ont scrappé dans le jeu vidéo. Une suite que moi qui a vraiment scrappé, puis ça, je me rappellerai tout le temps. Quand j'étais plus jeune, fin des années 90, j'avais découvert Deus Ex. L'original. Deus Ex. Okay, l'original. Parce que dis de même, m'avait... j'avais découvert Deus Ex. Ouais. C'est comme. Ouais, ça trigger. Ce jeu-là, je l'avais pris comme plusieurs gens dans le temps sur MIRC dans des voies illicites. J'étais jeune et. Inconscient. T'étais inconscient. Et le 2, je m'étais dit, j'ai hâte. Et le 1 m'a jeté à terre. Honnêtement, le 1, je me rappelle encore passer des soirées là, à ne pas faire mes travaux pratiques d'école puis jouer à ça. Mais le 2, puis là, tu sais, il y a les PC Gamers, il y avait les démos au disque, il était hype. Mais finalement, puis là, je venais de m'acheter un nouvel ordinateur, payer ça d'un espèce de prix de fou. Puis là, le 2 sort, c'est pas jouable, nulle part. Pas dans le sens qu'il était non disponible, mais il était comme zéro optimisé. Ta Voodoo 3 FX pouvait pas le runner. Même les gens chez PC Gamer, tu sais, tu lisais la critique dans le temps, ça disait on s'entend, on a un ordinateur, tu sais, overpuissant, puis ici, il y avait du lag dans le jeu. Tu sais, c'était même pas en ligne, puis le jeu lag, genre, c'était ça stutterait. Puis j'ai jamais été capable de faire jouer le démo, puis je jouais, puis j'essayais, puis finalement j'avais réussi à le faire jouer, puis ça m'a tellement fait chier, ça m'a tellement fâché que il a fallu du sexe Mankind Divided pour me ramener un peu en amour avec ça a été pour moi un flop total qui m'a vraiment viscéral. Parlant de cette époque-là de PC Gaming, je vais juste me faire une aparté dans les bonnes suites. On te permet tout, André. Si vous êtes capable de retrouver ça, ça doit être du Abandonware maintenant, mais dans le temps, il y avait une suite de PC Gaming que j'avais adoré. C'est un jeu de la compagnie qui s'appelle Adeline, puis on parle, ça s'appelle Relentless Little Big Adventure. C'était un jeu de platformer en vue isométrique. C'était vraiment cool. Je vais essayer de retrouver des screenshots, quelque chose de même, puis de les partager avec la page du collectif. Si vous avez la chance de trouver ça, là, puis si vous avez des kids à la maison, c'était un jeu de PC qui était super cool. Je jouais ça sur mon 166 MMX, puis c'était juste le fun. Tu développais c'était comme un genre de Zelda platformer vue isométrique. C'était super cool. Selon ce que je lis, il serait disponible sur Steam. Ça veut dire que je vais aller me le reprocurer. Et sur Google Play. À ta peur, fait qu'il y a ça, je peux jouer à Little Big Adventure 2 sur mon cell. Mais là, j'ai le 1 ici, qui est quand même très bien coté même. Sur... Non, c'était le 1 était très bon, c'est juste que le 2 était remarquable. Puis on parle de sequels. Mais là, j'ai dit de quoi de super bon. Puis j'en ai dit 2, j'en ai dit 3. Il faudrait que je trouve une sequel qui est pas bonne. Puis là, je vais peut-être vous faire parler en attendant, parce que j'ai aucune fucking idée de quel sequel de jeu vidéo j'ai détesté. Mais il y a Dragon Age 2 qui a été quand même détesté par plusieurs. Ah, j'ai aimé, moi. Il y a Dragon Age original, Dragon Age Awakening, qui était comme un genre de 1.5 DLC expansion. Dragon Age 2 qui avait été beaucoup critiqué. Puis le Dragon Age 3 qui est... Ben, Dragon Age 2 avait été critiqué parce que... Au même titre que Mass Effect 2 avait été critiqué parce que c'est dans la période d'acquisition de BioWare par EA. Puis ils ont passé d'un mode très, très, très RPG... Baldur's Gate, mettons, le même que je comparais de Dragon Age 1. Puis le 2 était devenu un gameplay très simplifié, mais une histoire avec, tu sais, beaucoup de profondeur dedans. Là, t'avais les mages, les outcasts, le gouvernement qui veut réglementer les mages. Puis Max, t'as l'air de vouloir réagir. Là. Ben, personnellement, le 2, comme tu dis, au niveau storyline, intéressant, gameplay... Tu sais, c'est plus action. Ben, c'était correct, parce que moi, personnellement, ce style-là, je faisais avec... Ils ont tellement recyclé les environnements dans les différents chapitres du jeu. Ça, j'en conviens. Puis, je connais quelqu'un qui a pas nécessairement travaillé dessus, mais qui travaille dans cet univers-là. Puis, il m'expliquait que la raison pour laquelle on avait cet environnement-là dans Dragon Age 2, la seule et unique raison, c'est qu'il aurait voulu en faire plus, mais en haut, ce qui s'appelle les Big Boss chez EA, carte sur table, on veut juste une belle année fiscale. Really, c'est ça au plus tabarnak. Ça l'a donné le produit que Dragon Age a eu. C'est pour ça aussi que probablement Dragon Age Inquisition a pris un petit peu plus de temps à sortir, j'imagine. Ils voulaient pas scraper leur IP. Ils voulaient pas scraper leur IP. Puis ça a fait un jeu absolument excellent, le 3, de mon point de vue. Inquisition était juste fou. Je joue encore même à quelques occasions. Fait que c'est plate parce que le 2, avoir eu plus d'environnement, aurait probablement été de loin meilleur que ce qu'il a été. Ça me fait penser ce que tu viens de dire là. Shout out à Michael LaRouche, là. Mais Assassin's Creed Unity en est un. Ouais. Un jeu qui, c'est pas nécessairement la faute des artisans. C'est la faute des fois des décisions d'en haut de sortir un jeu à cause d'une année fiscale. Puis tu sais, d'être rush de le faire. Puis j'aimerais ça faire une autre parenthèse que ça m'étonne qu'on n'ait pas encore nommé ce jeu-là. Complètement à l'opposé. Total. Du rush d'une année fiscale. On parle d'un jeu qui a comme tellement pas été rush que ça a pris comme je pense 14 ans avant qu'il sorte là. Duke Nukem Forever. C'était mon show, mon jeu que je voulais dire. Ouais. J'attendais juste mon tour pour dire ce jeu-là, mais ben, Guillaume encore. Parle-nous donc de Duke Nukem Forever. Ben, c'est pourquoi c'est grosse merde, parce qu'il te garoche toutes les jokes inside en deux minutes de gameplay, que tu pisses dans la toilette, des jokes plates, des jokes sexistes. Ah ouais. tu fais un tableau de Duke Nukem style, tu fais comme « Wow, c'est cool ». Deuxième tableau, t'es dans un auto-téléguidé miniature, tu fais des astis de marre, le jeu se contrôle mal, t'as le goût de te tuer. Tu fais comme « Pourquoi j'ai acheté ça ?» Ouais. Puis c'est ça. Malgré que un autre 8 ans après, le 14 ans que ça a pris pour le sortir, je trouve ça drôle d'y jouer. Juste parce que c'est tellement pourri. Mais si je peux te nommer une couple de jeux que je comme je trouvais weird, ben pas weird, mais que les suites étaient pas nécessairement meilleures. BioShock 2 était vraiment pourri comparé au 1. C'est drôle, hein, parce que normalement dans l'industrie, BioShock 2 est considéré comme un masterpiece de sequel, en général. Ben pour les ventes, d'après moi, parce que le jeu a dû tromper des gens avec le masterpiece du 1, parce que quand tu checkes les critics du 2, je suis pas mal sûr que c'est généralement de la marde. Parce que le monde tripait vraiment pas sur être un Big Daddy pis des affaires de même. Mais le 3, il s'est rattrapé un petit peu plus. Moi qui étais un fan de Crackdown 1, Crackdown 2 était pourri. J'étais un fan de zombies, ils ont rentré des zombies là-dedans, ils ont chié tout. Crackdown 2 était splendidement pourri. C'est incroyable. Puis j'ai hâte au 3 parce que le 3, ils ont comme fait « Ok, ok, on a catché, on prend le vibe du 1 ». Puis on le met 100 fois plus hot. Fait que toutes les buildings vont se démolir. J'ai hâte. C'est peut-être un hype parce qu'il n'est pas sorti encore. Mais il y a de l'air splendidement malade comparé aux deux qui étaient splendidement de la merde. Est-ce que ça retombe un peu dans ce qu'on parlait au début de notre sujet, genre que les compagnies auraient pris un peu le client, le fan pour un calf? Un peu, mais déjà que c'était un jeu qui donnait comme le me semble, il donnait le... C'était quoi le démo de... C'était quoi? Halo? Il donnait le démo ou la free pass de Halo 2 ou 3 à l'achat de ce jeu-là. Fait qu'il y a bien du monde qui l'ont acheté pour ça, mais finalement, le jeu, il était cool. Mais après, ils ont comme... Un peu comme tu dis, peut-être pris le fan pour un cave, mais je me dis, il devait pas avoir tant de vrais fans que ça au début, parce que le monde l'a acheté parce qu'il voulait un démo de Halo. Ben, même si le jeu était quand même relativement cool, là. Prendre les fans pour acquis un peu, là. Tu sais, moi, j'ai une franchise que j'ai aimé et détesté. Ou que t'as aimé détester? Ben, les deux, en fait. Saints Row. Saints Row 1 qui était sorti, puis on va s'attaquer mais je l'avais sur ma liste. On va s'attaquer directement à GTA. Le 2. Non, le 2, je l'ai trouvé cool parce qu'ils gardaient, ils mettaient leur humour encore, on rit de GTA, mais un peu over the top. Non, mais c'est le 3 que ça a pris son envol. C'est le 3 que ça. Moi, c'est le 3 que ça commence à chier dans la panne. Ouais. Ça chie dans la panne? T'as pas aimé le 3? Non, j'ai aimé le 3, mais le 3, c'était encore plus du mot. Je veux dire, c'est le 4 que ça chie dans la panne. C'est le 4, ça. C'est le 4. Le 4, 3, c'est juste les gangs. L'intro est malade. Puis après, tu fais comme, OK, t'es le président des États-Unis qui joue dans un film, puis qui se fait digitaliser, puis qui a des pouvoirs de la matrice, puis que tout d'un coup, il se bat contre des aliens. Là, tu fais comme... Puis tout ça dans 15 minutes, genre. Puis c'était, le 4 était too much. Je l'ai fait pareil. Moi aussi, j'ai pas trippé autant. Puis on trouvait moyen de sortir un stand-alone où est-ce que t'es en enfer. Ouais, qui est encore plus plate que le jeu original. J'ai fait gratuit pour la nostalgie, parce qu'il le donnait dans le PSN, justement, à un moment donné, puis... Il est correct, mais il aurait pas dû faire cette suite-là. Je peux-tu en nommer un qui m'a déçu? Puis, je suis pas un fan de jeux de char. Oui. Mais Burnout, là, je tripais quand le but, c'était de me faire... Non, juste avant Paradise, dans un sens... Tu sais, le but, c'était de me faire péter dans... T'as pas aimé Takedown? Oui, je l'ai aimé. Mais quand ça a viré Paradise, il me semble que c'était rendu... tu prends une open photo world, et open world, tu fais des courses, puis tout. Moi, que j'aimais, c'était me pitcher dans les airs, arriver à bonne place, puis exploser 80 charges, puis ils ont comme enlevé l'affaire que tout le monde aimait du jeu. Moi, j'aime pas les jeux de char, puis je tripais sur ce mode-là avec mon coloc. Tu tripais Carmageddon, toi, ça veut dire? J'aimais un peu Carmageddon, mais malgré que Carmageddon reste que c'est soit que tu gagnes la course ou que tu t'arranges pour démolir tout le monde. Mais Burnout a disparu dans une période où je comprends pourquoi ils ont fait Paradise, parce qu'il n'y avait pas le choix de faire des jeux AAA dans ce temps-là. Je suis d'accord. Ils s'auraient fait manger. Mais sais-tu quoi? Aujourd'hui, si moindrement quelqu'un d'IA entend ce podcast-là, présentement, là, à un moment donné... Un Burnout 3 Operation Takedown à 14,99 en download only, ou bien qu'un petit voucher, un jeu cheap, le kit juste de Burnout, là, je vais le payer. Je suis même prêt à payer 34,99 pour un jeu de même. Wow. Pas 49. Wow. Pas 49. HD. Mais pas 149. Pas HD canadien. Remastered. Pas, pas 34 US. Là. 34 HD Remastered au moins à 34. Pas 49. C'était fait. Ce qu'il dit. Chris, mais je sais que les gars d'IA Montréal nous écoutent religieusement. Fait que dans leur meeting de vente, là, ouais, ils mettent notre podcast en background. Je peux-tu en nommer deux autres bien vite? Tu peux en nommer deux autres. Ben Zelda 2. Oh, c'est Link's, je sais pas quoi, là. A Link's Adventure. Link's Adventure. Ouais. Il est pas mauvais. Mais quand tu t'attends une suite de Zelda 1, tu fuck ta vie de ben, petit gars même, de 7 ans. C'est le même problème tu... que Mario Bros. 2. Là. Un peu, là. Ouais, mais Mario Bros. 2, ça reste un platformer. L'autre, c'est un top-down RPG, ouais, wannabe adventure game. L'autre, c'est un two-side, en tout cas, side-scroller, side-scroller platform adventure mélangé avec tout, là, que tu comprends pas que tu level up parce que t'es 7 ans. Et le deuxième? Street Fighter, je me souviens plus combien, 5 qui est sorti exclusivement sur PS4. C'est lui qui vient de sortir. Ouais, ouais, le dernier, le 4, il est sorti sur PS4. Ouais, fait que c'est le 5. Calis, c'est à chier. C'est quoi cette affaire-là? Il est pas. Il est tout crush. Tu viens. Tu scrapes ton nom de fighter. Faut que tu l'update avec des updates. Faut que tu. Tu veux parler de scraper un nom? Update avec des updates. Le jeu de Metroid, que c'est la gang de Ninja Theory qui ont fait, là, je pense, c'est quoi? C'est The Other M? Il y a Other M. Puis il y a les. Tu parles pas sûr, là, que t'es comme un. Non, pas les Metroid Prime, qui étaient excellents. Okay. Non, mais il y en a que c'était des Battle Arena de Metroid. Prime Hunter sur des. Prime Hunters était pourri. Mais c'est là que tu vois c'est que... C'est encore drôle. En online, le jeu était intéressant. Storyline était à chier. Mais c'est ça. Mais moi, je le compare parce que en tant que sequel, je le compare à quelque chose qui était storyline. Moi, je vais prendre un IP juste pour prendre un IP. Là. Ouais. Quand que je vois Prime Hunters, là, c'est comme... Ah, il aurait pas appelé ça... Marines de l'espace patrouilleur. Mais c'est comme si tu dis, hey, on fait un shooter pis c'est Mario Bros. Fait qu'il spit des boules de feu ou quoi, tu sais. Ce jeu-là était autant aligné avec l'univers Metroid que X-Men 3 l'était avec l'univers des films X-Men. Ouais. Ok. Deadpool. Vite même, Deadpool. Ça, c'est Wolverine Origins. Ouais. Mais non, je comprends. Mais tu sais, c'est drôle parce que tu regardes des fois une série, justement, on vient de dire Link's Zelda 2. Link's Adventure. Ouais, puis tu sais, dans la série Zelda, t'as des jeux qui sont reconnus comme étant parmi les meilleures suites. Puis on vient de dire qu'il y en a qui sont les pires suites. Tu parles, par exemple, Mario Bros. 2 est reconnu comme étant justement une pas bonne suite, pas pire. C'est même pas un vrai jeu de Mario non, Bros. Non, parce que ça, c'est un reskin. Arabian, quelque mais chose. Mais si on regarde, exemple, Metroid... On venait de parler de Metroid, mais tu sais, Super Metroid est considéré comme étant une des meilleures suites de tous les temps. Castlevania Symphony of the Night est reconnu comme étant une des meilleures suites, qui est aussi un des derniers chapitres à avoir été paru original. Mais il y a d'autres Castlevania qui sont pourris, selon ce que j'ai lu dans mes recherches. Mais c'est tellement monté haut, puis redescendu. Mais on voit que shot, justement, puis des fois on s'entend, oui, il y a la réalité que c'est pas toujours les mêmes studios qui travaillent sur une propriété intellectuelle. Mais tu sais, si on parle de créateurs qui travaillent sur ce sur quoi il est reconnu, on peut te parler de Mighty No. 9, qui est comme une genre de suite à Mega Man. Puis c'est le même gars là, c'est pas quelqu'un qui a acheté les droits puis que tu sais Uwe Boll a fait un film sur les droits de quelqu'un d'autre puis c'est une merde. Non, c'est le même gars. Puis ça, moi pour j'suis... plein de raisons, tu sais, il peut avoir des raisons valables, mais c'est juste ça flop. Mais sans vexer de nommer Uwe Boll là-dedans, je l'aime beaucoup. Excuse-moi, là. Mais sans vexer. Mais c'est ça qu'il y a des fois que tu dis le brand apporte pas une qualité dans le jeu. Tu peux pas dire, ah, je vais. Tu sais, on le voit dans un jeu de sport. Tu sais, combien, tu sais, tout le monde a dit NHL, mettons, 2001 était bon, puis là, whoop, 2004, tout le monde, tu sais. Le donne, Nintendo Seal of Quality, là, ce Mega Man 2, là, il était pas là pour rien. Ouais, non, mais Mega Man 2, il est considéré comme étant un. Ouais, mais pas tous les jeux de Nintendo. Exactement. Sauf les bootlegs Christian puis ce genre de choses. Parce que voilà, dans les Mega Man, il y en a qui sont reconnus comme étant comme Bible pas mal Games. Moins bon. Exactement. Puis le 2 est reconnu justement comme étant un mastermind. Pas un mastermind, un masterpiece. Mais Max, on t'a pas laissé t'exprimer sur le pire jeu. Je pense qu'on l'a déjà nommé quand je te parlais de Final Fantasy XIII, que selon moi, c'est une des pires. Mais un des gros flops que j'ai détesté d'une série que j'ai adorée, pis c'est plate, c'est quand que cette série-là est passée aux mains de Square Enix, justement, Dungeon Siege 3. Ça, c'était pas le jeu qui avait été acheté par Microsoft un bout de temps? Dungeon Siege 1, je pense que oui. Puis à un moment donné, je pense que c'est tombé dans les mains de Square Enix, ben d'un de leurs studios affiliés. Puis ah, ça a été, ça a été un flop. Le 1 était malade. Tant qu'à broyer. Le 2, j'ai adoré, même si je l'ai pas fini. Mais quand le 3 est embarqué en ligne de compte, j'ai joué la démo sur mon Xbox 360. Je me dis, enfin, je vais voir de quoi ça a l'air. Je vais avoir le goût, je vais aller l'acheter ou aller au microplay me le pogner. Puis, c'est même pas proche de ce que le 1 ou le 2 était, là. Puis tant qu'à pleurer bien comme faut, Dungeon Siege, le film. On parlait de Weeble tantôt. Weeble, justement, avec Dolphin Grant qui fait les sequels. Mais c'est pas dans... Non, ça c'est dans l'autre, parce qu'il y avait la Terminatrix là, qui jouait dans un des films de Weeble, mais c'est une autre série de jeux vidéo là, qui n'est pas Dungeon Siege. Je l'ai vu tantôt, puis là je l'ai oublié, Calvados. C'était pas des suites, c'est qu'on peut pas en parler. C'était pas une suite, mais n'empêche que c'était un flop. Non, en réalité, là, guys... On va faire un épisode sur Weeble. Un podcast ne peut être éternel, puis Joe arrive encore une fois... Intemporel, mais non éternel. Juste à temps pour... closer ça, mais là, ça fait déjà présentement 2 heures qu'on parle. Les suites, là, c'est pas mal là pour rester, je pense. Oui. Tant qu'il va y avoir de la demande. C'est clair pour que ça, ça va continuer. Le monde ne sont pas capables d'inventer des nouvelles affaires. Anyways, là, t'es en 2016. Faut s'allumer, s'ouvrir les yeux à ça. Fini mais les nouveautés. C'est correct qu'il y ait des suites parce que c'est le fun. On parlait au début de l'épisode, pas un sentiment d'appartenance, mais de se reconnaître, tomber en amour avec un personnage. Je veux dire, c'est parfait. Puis des Star Wars, amenez-en, je vais en prendre. S'ils sont bien faits, évidemment, mais c'est que moi, je pense qu'il en faut. Mais, faut que ce soit bien fait avec amour et pas juste des bonnes intentions. Je pense que ce qui est important dans les suites, surtout aussi, c'est de cibler. C'était quoi qui rendait l'original aussi apprécié? Est-ce que c'est un acteur? Est-ce que c'est une histoire? Pour les jeux vidéo, est-ce que c'était des contrôles? Une ambiance. Est-ce que c'était une ambiance? Est-ce que c'était de la musique? Est-ce que... Faut trouver qu'est-ce qui rendait le produit d'origine aussi apprécié. Parce que quand on fait des suites, ben c'est un terrain très glissant parce qu'il y a... Il y a possibilité de scraper quelque chose de bien, puis c'est un terrain très glissant, je pense, pour les studios puis les fabricants, parce que ils peuvent vraiment détruire un bon souvenir que quelqu'un avait. Puis je pense que on en a déjà parlé dans les autres podcasts aussi également, mais ça nous appartient de gérer nos attentes également. C'est pas parce que quelque chose qui sort s'appelle Ghostbusters ou que du jour au lendemain, ils font un reboot live action de Goldorak que ça va être aussi bon que le souvenir que vous aviez d'écouter Goldorak déjà à 7 ans le matin. Déjà que le matériel source, il est pas malade. Ben, c'est mais ça, c'est dans le temps, opinion. C'était bon, mais l'écouter aujourd'hui, Goldorak, tu réalises que c'était peut-être fou. C'est un remake de Goldorak, mais c'est peut-être pas aussi bon qu'un remake d'Albator. On va avoir un thumbs down d'Alpha 42 de Rett là. Ben, y a pas de problème, parce que regarde, écoute, il a bloqué. Droit à son opinion. Max, merci d'avoir été avec nous autres à soir. Ben, c'est moi qui te remercie, puis en fait, je vous en remercie tous. Ben, cool. Tu peux dire merci à Eric aussi. Ouais, aussi, merci Eric, je sais que tu nous écoutais tantôt, merci de m'avoir cédé ta place par obligation de travail. Et t'as enchaîné. J'ose espérer que je vais avoir fait honneur à ton siège. Ben laisse-moi te confirmer que t'as fait honneur au siège, t'avais des bonnes interactions avec nous autres ce soir, Max. Puis ce qui est cool, c'est que les gens vont pouvoir rester en contact avec toi, tes textes vont apparaître sur le collectif aussi également. Je pense que t'as envoyé un deuxième texte récemment qui parlait de... Je pense que je t'en ai envoyé 4 en fait. Il y en a plusieurs, mais je voulais pas te plugger qu'on prenait bien du matériel d'avance, mais c'est pas grave. Non, mais c'est correct. Mais le deuxième que je t'ai envoyé, ça dépend lequel tu fais référence. Le plus récent que tu as envoyé... Le dernier que je t'ai envoyé, je pense que c'est par rapport à une affaire de Windows qui est sorti exactement. Récemment. Exactement. On verra probablement ça peut-être plus tard, mais... Une partie de plaisir pour les personnes qui sont dans le milieu de l'informatique comme moi. Là. Ben, ce qui est intéressant, c'est justement, c'est autant que tu peux parler de gaming, là, tu vas nous parler de quelque chose d'un peu plus niche. Mais Max, merci d'être avec nous autres, c'est vraiment apprécié. Les gens qui voudraient interagir avec toi, ils te trouvent où exactement? Sur Facebook, on recherche Maxime Gagnon. Tu vois ma crête avec ma barbe, tu vas me trouver. Sur Steam, sur le PSN, sur Twitter, on recherche The Guitarist, écrit de façon cool, de gars de 13 ans. T-H-A-G-U-I-T-A-R-I-S-T. tu devrais me trouver. Normalement, j'ai une photo de Yoshi, je suis pas vraiment dur à trouver. Ou j'ai un kefiat de Yasser Arafat sur la tête. C'est les deux qu'on peut trouver. Il doit avoir un lien logique, on en reparlera dans un autre épisode. Le lien entre Yoshi et Yasser Arafat, là. Merci beaucoup, Max. Joe, là, t'es barré de Facebook encore. Je suis banni de Facebook encore une fois. Je sais pas pour combien de temps. Fait qu'on peut googler mon nom. Fait Facebook, Paris. Mark, appelle. Mark Zuki, appelle-moi. Call me. Fait que mon monde appelle ton monde. Puis sinon, j'ai Snapchat, que je pose tous mes états d'âme là-dessus. Mais Zombie que M. Que quoi? C'est ton Snapchat, mais que tu fais jamais partie d'aucun top. De... Ouais, je suis dans aucun top de Montréal, je sais pas quoi, le blog. C'est ça, je sais pas. Aidez-moi sur Facebook. Pas sur Facebook, sur Xbox, sur PlayStation, Militar 187. André, toi? On te suit où? Moi, on me suit où? Toi, ouais. On me suit je veux toi. Uzumaki QC sur Facebook. Moi, vous allez peut-être me trouver avec ça, mais Instagram, Twitter, Snapchat, pas mal toutes les places. C'est quoi ton numéro de sel? Mon numéro de sel? Je veux savoir. 438? Mais en réalité, moi, je le donne pas mon numéro de sel, parce que je suis pas aussi courageux qu'Éric. Je suis plate dans ma main. Je me dis, Éric, il est pas là, peut-être ça va être toi à ce soir. Guillaume, toi, ton numéro de sel, c'est? 438? Oui. 555? Oui. 1, 2, 3, 4. Oh! Tu t'es payé combien pour ça, là? Oh. Fait que toi, Guillaume, les gens qui voudraient te suivre? Viens de le dire. Exact. Non, mais normalement, comme d'habitude, guillaumeamel.com. En ce moment, le site est pas très mis à jour parce que je suis en train de faire des migrations. Dans notre site, on est sur un nouveau serveur, full rapide, full speed, full spin. Puis, sur mon site, et sur le site du geekcollectif.com, vous allez trouver les différents réseaux sociaux et plateforme de jeu à laquelle je joue avec mes handles. Oh. Cool! Ben merci Guillaume. Fait que nous sommes Geek Collectif, le podcast, une balado-diffusion québécoise et francophone qui traite de la culture populaire et impopulaire. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez aimé le contenu qu'on vous a offert ce soir? Ben c'est super simple. Partagez-le. C'est la meilleure façon de nous encourager. Vous pouvez aller au geekcollectif.com/geekcollectif ou facebook.com/geekcollectif, le podcast. Pour les gens qui seraient intéressés à nous aider à garder les lumières allumées, à nous garder sur Internet, nous garder branchés, à nous encourager dans le projet, on a également un Patreon, où vos contributions financières seront transformées en plein de contenus super magiques, tels que ce soir et d'autres contenus qui vont se rajouter. Comme un micro qui est là. Comme un nouveau micro qui va peut-être voir. Non, en fait, c'est des caméras qu'il nous faut. Caméras, excuse, je mélange tout le temps les deux. Donc, si vous voulez financer Milter et nos projets, ben, vous allez sur patreon.com/geekcollectif. Puis, toute contribution sera grandement appréciée. Donc, guys, c'était l'épisode 82 ce soir. L'épisode 81 est sorti plus tôt cette semaine. Mais si vous écoutez ça présentement, la bonne nouvelle, c'est que ben il y a 81 autres épisodes comme celui-ci que vous allez pouvoir écouter. Parce que je prends pour acquis que vous êtes rendu à la fin puis vous écoutez ce que je dis présentement. Donc, sur ce, on va se laisser pour ce soir. Et nous serons de retour mardi dans deux semaines pour un épisode de 83. On peut-tu essayer d'éditer à la fin la toune de Jérémy Gabriel, voir s'il nous poursuit? Il a dit qu'il poursuivait plus personne. Ah, ben, tu tabarnak. Ah, lance-toi, Milton. Go, pas te faire de Facebook, cette fois-là. On la mettra, voir. Okay. Au pays, allez voir ça sur YouTube. Il y a un gars qui l'a mis. Il y a déjà 200 000 views. Puis c'est pas Jérémy Gabriel. Fait qu'il fait de l'argent sur son dos. Go! Je te promets que pas peut-être je vais essayer de. Ça se pourrait qu'elle se retrouve pas là. Puis qu'on ait d'autres choses. Oh, fait que j'ai un gré d'espoir. Yeah! Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Et on se revoit dans.